C'est bon, le son il est calculé. Asti que le son il est calculé. Ah, mais hein, c'est calculé au quart de ton son. Mets-toi à la place du son, t'es tellement calculé. Oh, là, fait que c'est parti? Ah oh, ouais, go! Excellent! Ben bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Soyez les bienvenus à 70%, la 27e représentation au Brouhaha. Merci de vous être déplacés pour assister au spectacle. Merci à ceux aussi qui nous écoutent via Ustream et en podcast chaque semaine. 70%, ça se fait devant public. C'est au Brouhaha 5860 de Lormier à Montréal. Métro Rosemont, c'est le lundi, puis ça commence vers 19h. Ce soir, à la table, sur la scène, assis à la gauche de Tommy, c'est entre autres un animateur de radio. Un humoriste, on l'a vu avec Les Bleus Poudres. Il a fait partie du légendaire groupe. Hey, pourquoi que je dis tout ça? Il n'y a pas besoin de présentation. Mesdames, messieurs, Richard Z. Tiroy est sur la scène. Merci beaucoup. Merci. Puis on s'entend super bien à date. Woo! Tous les deux, on aime Lara Fabian. La soirée visionnement gratuit douteux.org, c'est tout de suite après 70% jusqu'aux dernières nouvelles. Ça se passe ce soir accompagné d'un habitué, d'un connaisseur. Et ce soir, c'est notre caller de bingo, mesdames et messieurs. Johnny Publicité est parmi nous pour ce soir. Bravo! Et on vous avise que pour la soirée, il y aura des cartes de jeu à vendre. 3$ pour la première, 2$ pour chaque carte supplémentaire. Et vous avez droit à de merveilleux prix douteux. Donc, salut aux habitués, bienvenue au nouveau, mesdames et messieurs, place au spectacle. Bonsoir, en manchette ce soir, on a un dossier Finlande et en l'honneur de Israël Trudel-Denis, on a aussi un dossier caca. Pourquoi donc se donner à fond dans un projet quelconque? Pour s'épargner la déception, c'est plus sûr d'y aller doucement. Un tout petit peu, c'est mieux que rien. Contentons-nous-en les copains, ensemble on donne notre 70%. J'espère que ce sera la vôtre aussi. Toujours donner au plus en 70%. Ici Stéphane Bureau, qui a certainement l'ambition un jour de pouvoir incarner le rôle de Jared dans Robot Flick 2. Vous êtes à l'écoute de 70% avec les guélurons de l'information. C'est nous autres, ça! Et voilà, ça a été dit par la bouche d'un maître. Salut tout le monde, mon nom est Tommy. Je suis très content de vous retrouver pour un autre 70%. Lundi qui frappe fort, hein, tranquillement. Il y avait de la neige, c'est devenu de la slush. On parlera pas de température ni de parc habité par des lugubres très très longtemps. Le hashtag, tout le monde le connaît, c'est hashtag le gendre se gâte. Ça a été décrété. Donc, comme le veut la tradition à 70%, on est entouré de chroniqueurs. À degré de pilosité plus variable que d'habitude, parce qu'on accueille une dame qui est venue nous en tant qu'invitée il y a quelques semaines. Elle nous a préparé un petit aparté. Salut Jessie. Salut. Là, je pense que ouais, gars, ils ont pas ramassé. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas obligé de faire le tour. On oublie ça. Okay, c'est bon. Fait que vous avez gagné. On va plus faire le tour de table. Dans l'ordre, le désordre, Éric Carmen, Mathieu Boudreau, Andy Jacques, Jesse Bouchard et Antoine Lavigne seront ici pour égayer ce 70%. Vous avez reconnu Bruno Corbin. Bonsoir. Plus moustachu que jamais, d'ailleurs, c'est ton nouveau nom, c'est Richard Hard... Non, c'était quoi? C'est Hard Stash? Stash Hard. on a fait du porn en fin de semaine, ça a brassé. Et sinon, ben voilà, on arrive finalement au cumul. C'est notre invité de la semaine, un de mes idoles de jeunesse. S'il vous plaît, on le réapplaudit. C'est Richard Z. Tiroy. Merci beaucoup. It's happening. Quand j'étais au cégep, en cinéma, il y a très longtemps, puis je prenais beaucoup de drogue. Puis il y avait une drogue qui s'appelait mescaline. Puis ce soir, c'est comme pareil. C'est comme la continuité de ces... Comme, j'ai pas encore compris ce qui se passe. Donc, t'as perdu toute ta mémoire à court terme. Oui. Ben, c'est pareil parce que, tu sais, quand tu prends cette drogue-là, que j'espère que ça n'existe plus, c'est que on était chez un ami. Ça existe en masse. C'était pareil comme le film Bingo tantôt. c'est que tu prends cette drogue-là, puis cette drogue-là, le temps n'existe plus. Il est une seconde, puis une heure, c'est pareil, deux heures. Voilà. Fait que là, on s'installe chez un de mes amis pour regarder un film de Fernandel. Puis là, c'est écrit fin. C'est écrit fin sur l'écran. L'heure et demie a comme passé en une seconde. Fait que là, son père, qui trouvait que c'était bizarre dans le sous-sol, parce qu'on était comme tout sur l'influence de la mescaline. Fait que là, son père, il cogne, puis il dit, « Mais qu'est-ce que vous faites? » Fait que là, nous, on répond, on regarde la TV, ce qui était vrai. Là, jusque-là, ça score. Son père entre, il n'y avait plus rien à l'écran, mais on regardait la télé encore. C'était... Ben, c'était pareil comme quand j'arrivais, il y avait le film de chien tantôt. Là. Ouais, ouais, ouais. Le film de chien, bingo, le chien qui va subir un procès et tout le reste. Wow. En fait, c'était mon bon préféré en cours. Oui, moi, quand il ah, quand jugé, ça devient un drame judiciaire, ouais, là, c'est vraiment le meilleur moment. La pause de cours, là. Ouais. Donc, sinon, oui, d'habitude, comment ça se passe, c'est qu'on parle un petit peu au début. Ouais. Après, tu restes avec nous autres pendant le temps qu'on endure les Gatifois, notre imam des valeurs québécoises vient d'arriver. Fait que mon bout est fini, moi, mon début est fait. Non. En fait, on le commence, là. OK. Puis toi, comme t'es l'invité d'honneur dans ce cas-ci, ouais. Gêne-toi pas, tu parles ce que tu veux, quand tu veux, surtout quand c'est Mustapha. D'habitude, c'est un petit peu ça, la règle. Okay. Sinon, RBO, les bleus poudres, espions canadiens, les mecs comiques, les justiciers masqués, bravo. En fait, moi, je voulais te le dire, j'éprouve encore la même nostalgie, le petit frisson de bonheur quand je te vois dans un vieux sketch de RBO. Moi, ça fait ma journée. Là. Il y en a eux autres, ça lui prend le soleil dans le ciel, moi, de voir Richard Z dans un sketch de RBO. C'est très, très gentil, ça le fait. Avec plaisir. J'ai appris dernièrement, parce que là, on va parler des vraies affaires, là. Ton frère, c'est un scientifique. Mon frère, il a fait tout le monde en parle il y a quelques semaines. Là. Pour ceux qui l'ont pas vu, il s'appelle Yves Serrois. Puis mon frère, regarde, il y a une vingtaine d'années, dans l'actualité, il y avait un article sur le prix Nobel de physique. OK. Fait que moi, comme un imbécile, je découpe l'article. J'envoie ça à mon frère qui est à... Comme un imbécile, mon frère est au Centre européen de recherche nucléaire depuis 30 ans. Il vit dans l'accélérateur de particules sous terre depuis 1984. Est-ce qu'il y a des pouvoirs spéciaux? Est-ce qu'il peut comme... Non, il est juste intelligent. fait que moi, je découpe l'article sur le prix Nobel de physique. J'envoie ça à mon frère. Fait que mon frère, j'ai pas de nouvelles. Fait que là, à un moment donné, je l'appelle à Paris une couple de semaines après. Je dis peut-être le courrier est en retard, quelque chose. Fait que là, je dis, est-ce que t'as reçu l'article? Il dit, ouais. Ben, je dis, c'est hot, peut-être qu'un jour, t'sais. Il me dit, c'est parce que le gars dont il parle dans l'article, c'est le bureau à côté du mien. OK. mon frère a découvert le boson de Higgs. Ah ouais? Ouais. C'est le plus petit qu'on... Ouais. Pour vrai, là? Ouais, c'est vrai. Respect. Mon frère a passé 30 ans de sa vie, matin, midi, soir, jour et nuit, à fin de semaine, à chercher ce qu'un théoricien avait émis comme théorie. Quand je dis mon frère, c'est parce qu'il était à la tête d'une expérience où il y avait 400 physiciens. Donc, c'est sûr que c'est pas lui tout seul, mais c'est lui qui a dirigé l'expérience. Puis, en 93-94, j'étais en Europe, j'étais le rencontrer à Hambourg, puis j'ai demandé ce qu'il faisait. Puis, au bout de 3 heures, j'avais rien compris. Là, il était tanné, là, je le niaisais, j'ai demandé s'il avait laissé sa boîte à lunch dans l'accélérateur de particules. Est-ce le genre de joke. Encore? Il dit-tu tabarnak encore? Mettons, non, mais il me prend pour un imbécile. Des jokes de pète, ça marche-tu? Non, mais attends, mais c'est que là, je lui demande 3 heures de temps. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Lui-même, il savait pas vraiment ce à quoi ça allait servir s'il allait le trouver un jour. Puis ben, au bout de 3 heures, il m'a dit, je cherche une réponse qui est entre 0 et 1. Puis là, moi, je disais qu'un chiffre moins de 1, ça se pouvait pas. Parce que quand on compte, c'est de 1 à 10. D'habitude. Mettons que tu demandes à quelqu'un de compter, il dira pas 0, quelque chose. Mais ce qu'ils ont fait en laboratoire, c'est de reproduire le premier millionième de milliardième de seconde du début de l'univers. Bon, tout le monde a réagi comme moi j'ai réagi quand il me l'a dit, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que... Mais mon frère a reçu la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. Et j'ai reçu la même médaille 4 ans avant lui. Alors, la même affaire. Alors, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie, un humoriste ou un physicien nucléaire? On a la réponse. Mais toi, en fait, ce que tu nous as dit aussi, c'est qu'il y avait 400 qui attendaient de prendre la place de ton frère, tandis que il y a toi, ça aussi. Il y en a pas beaucoup, des Richard Z. Des humoristes au Québec, il y en a pas beaucoup, effectivement. Non, on parle... Peut-être que c'est moins objectivisable, la qualité des... rendu là, papa Sirois, il doit être sacrément fier. Oui, mon... Ben, aboutisse, parce que ça faisait 30 ans qu'il niaisait mon frère dans son labo. À un moment donné, il faut qu'il aboutisse un, une médaille, tu sais. Quand, avant que mon frère passe à tout le monde en parle, à, disons, à exemple, 9h22, lui, ben, il donnait une conférence à la salle Pierre-Mercure. À 9h22, il y a 40 billets de vendus à 12$ pour un organisme blablabla. Et à 9h28, il y avait 800 billets de vendus. Fait qu'attends que passe à tout le monde en parle, tu vas en vendre des tickets. Ben, en fait, on a quelqu'un qui est là-dessus. Là, c'est sûr qu'ils n'ont rien d'autre à faire. sinon, est-ce que tu joues à Magic? Parce qu'on a parlé un petit peu tantôt, Richard m'a avoué que c'est un collectionneur de cartes. De hockey. Et, ouais, c'est ça. Pendant un instant, j'ai eu comme le... Et non. Non, voilà. Non, je sais c'est quoi. Ah ouais, hein? Vaguement. Ça, c'est parce que t'es un papa, genre. Non, c'est parce que des fois, je vais dans des boutiques de collectionneurs de cartes de hockey parce que j'ai cette maladie mentale-là. Là. Ouais, c'est ça. Puis je vois des cartes Magic à côté. Puis, mais j'ai... Non. OK. Et j'ai jamais joué à un jeu vidéo de ma vie. OK. Jamais tenu une manette de jeu vidéo parce que ça me rend dingue. J'ai le goût de vomir quand le bonhomme, il bouge. Le plus loin que j'ai été, c'est les petites balles de tennis là, qui traversaient l'écran, mais t'étais pas né encore, là. Ouais. Mais ça, on a joué à ça aussi. Ouais. Il appelait ça une balle, mais c'était comme un pixel. Ouais, c'était un carré, ouais. Mais à un moment donné, ça allait vite, je te jure. Fallait que tu descendes. Ah, il y avait un turbo là-dessus. Ah, là. Ouais. Sinon, parle-moi donc un petit peu, genre, ta plus grande peur. C'est le fun, ces affaires-là. Genre, Kathleen avec une chainsaw ou... J'aimerais ça avoir cette information-là, j'sais juste pas, comme ça. Je pense que ce serait de me retrouver dans un parc de Longueuil vers minuit et quart. OK! J'ai le droit à une joke déplacée à l'heure. Bon, vas-y, mon gars, t'es à 70%. Sinon, tes céréales préférées? Moi, c'est les Cheerios miel et noix. Depuis combien de temps? Oi. Je pense que je sais même pas si quand j'ai commencé à aimer ça, c'était... Non. J'allais dire, quand j'ai commencé à aimer ça, c'était pas inventé, ça se peut pas. Mais à partir du moment où les Cheerios miel et noix ont été inventés, là... Attends un peu, peut-être ton frère va comme t'envoyer dans le passé d'une manière... C'est drôle parce qu'on vient de partir un débat dans la salle, le monde a commencé à faire « Moi, c'est les Lucky Charms, mais ça, c'est préféré. Ben » ouais, ben ouais. Non, mais moi, je suis très d'accord avec ton choix, en fait. Moi c'est ça, puis les Sugar Crisp, je dirais. C'est ouais, Sugar Crisp, ouais, c'est un bon choix. Moi, j'aime bien les Captain Crunch parce qu'ils coupent le dessus de ta bouche, là. Ah ouais. Mais c'est comme ouais. Ouais, OK, ouais. C'est bon. Pourrais-tu nous faire un indicatif? Là moi c'est sûr qu'avant que tu lâches le micro que tu partes, je vais entendre un Hey Larry comme dans le Hey Larry. Ça c'est bon. T'as-tu comme la voix fatiguée, serais-tu capable de nous le faire Hey Larry. Ouais, c'est pas pire, t'es-tu capable de le pousser 7 secondes genre? C'est pas Lara Fabian quand même là. Hey Larry! Ben, tu sais, j'ai vieilli, je suis moins en forme qu'avant. Ben, puis. Voilà, ben aussi, mais, tu pratiques peut-être moins. Mais tu sais d'où ça vient? Tu connais-tu un petit peu l'histoire? Hey, ça, ce que tu vas nous raconter là, je vais aimer ça. Je l'ai même jamais raconté à Echo Vedette. Non, c'est que. Mets ça dans ta pipe, Empire des médias! Ben, c'est que. Quand on travaillait sur le concept sans limite, bon, on essayait de trouver des idées originales. Si possible. Puis, je faisais les sports. J'étais la parodie de journaliste sportif à Sans Limite. Puis, je voulais absolument faire une entrevue, moi qui parle anglais, avec un anglophone qui essaie de parler français. Mais, à ce moment-là, c'était facile de parler à des joueurs du Canadien puis de déconner avec les joueurs. Ça a changé par après. Fait que j'avais fait des entrevues avec Stéphane Richer. Tout ça, c'était pas compliqué. Mais de trouver un anglophone qui acceptait d'embarquer dans nos affaires, c'était pas évident. Fait que j'ai... parler à des journalistes, des vrais journalistes sportifs, tu sais, Jean-Michel Bergeron. du vrai journalisme, là. Ouais. Fait que là, je voulais... Ou, tu sais, Benoît Brunet, là, tu sais. Les meilleurs. Fait que je voulais absolument avoir un vrai joueur qui embarque dans mes affaires. Puis, gars, ils m'ont tous dit, il y en a juste un qui va embarquer, puis c'est Larry Robinson. Puis... J'ai été le rencontrer parce que, comme je te dis, dans ce moment-là, c'était facile d'aller tourner au forum à l'époque. Puis j'ai expliqué, la seule affaire que j'ai dit, il y a un peu un lien avec, parce qu'il voulait savoir ce qu'on faisait, il n'avait pas d'idée. J'ai dit, peut-être un petit peu de Saturday Night Live, peut-être un petit peu de Monty Python. Il voulait absolument un peu, au moins un exemple comme référence. Puis on a commencé, on l'a fait plusieurs fois. Puis même au camp d'entraînement du Canadien, à un moment donné, qui était à Ottawa, on avait été là-bas tourner avec lui. Puis il parlait français, il se débrouillait, et il avait bien du fun. Puis là, à un moment donné, je pense que sa femme s'appelait Janine ou Jeannette. Puis une de mes meilleures phrases qu'il m'avait dit, c'est « La nuit passée avec Jeannette, j'ai eu une bonne couchette. » Mais il voulait dire qu'il avait bien dormi. Mais dire c'est pas ça qu'on a compris. Il n'y a personne ici qui a compris ça. C'est que celle-là, on l'avait passé souvent la bonne couchette. Sacré Larry, on aime fait ça. C'est ça la légende de Larry. Ben, Chris, c'est donc bien le fun. On vient d'apprendre ça pour vrai. T'es-tu un fan de hockey pour vrai? Parce que là, tu collectionnes, ben, c'était comme ton domaine. Là. Ben, comme pas un expert, là, pas les statistiques, tout ça, là, mais j'aime ça. OK. Là, t'écoutes encore ça. Le Canadien va faire les séries. T'es au courant? Oui. OK. Je pense qu'ils sont 2 points en arrière de New York. Ah, ça va bien. Non. Non? Non. Asti que je l'ai t'es pas. T'es tellement au mois de janvier, man. Ouais. Je suis tellement fin 2014. Ben ouais, c'est ça. Sinon, ben, là, je t'ai demandé tantôt l'affaire de sketch avec nous. T'as dit que tu jouais pas à des jeux vidéo. Non. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on te tête ailleurs que maintenant ici. On demande tout le temps à nos invités de nous faire un indicatif. Et là, j'aimerais ça que tu le mélanges peut-être avec ici Richard Z. Tirois, espion canadien. Ta-ta-ta-ta-ta. J'écoute 70%. On demande toujours à nos invités de nous faire un indicatif, puis on aimerait ça que tu nous fasses exactement ben là, l'indicatif c'est que tu as mis. C'est la première fois en 10 ans que je n'en ai exactement un. Sinon, tu peux nous faire que tu es un espion canadien autrement. Là. Aïe, aïe, ça fait longtemps. Tu peux dire que tu es un espion d'un autre pays si tu en connais un meilleur. Là. Je commençais-tu en disant ici Richard Z. Tirois, je suis espion canadien, non? Ouais. Ou je commençais par ta-ta-ta-ta, non? Ici Richard Z. Tirois, espion canadien. Ta-ta-ta-ta. Chris, ça rappelle plus que toi. Ben oui, ben c'est sûr que je l'ai revu plus souvent avec lui. C'est sûr et certain. Ici Richard Z. Tirois, espion canadien. Vous écoutez 70%. Est-ce que t'as scoré? C'est exactement ce que j'avais besoin. Facile à faire quand tu prends de la mescaline. Les belles années, mais ça, t'es le premier invité que j'ai eu qui est. Ouais, anyway, c'est peut-être n'importe quoi, hein. Il existe peut-être même pas, ton ami. La TV, peut-être qu'elle existait même pas non plus. Ben, mon frère, il dit que... Mon frère, il a une théorie que... Parce que le boson de Higgs, là, ça relie tout. Hein. S'il n'y a pas de boson de Higgs, on est juste du gaz. Puis la théorie de mon frère, c'est que ce boson-là pourrait disparaître à tout moment puis que la fin du monde, de l'univers, ça se ferait en 1 milliardième de seconde. Ouais, aussi vite que le Big Bang. On peut-tu finir le show plus vite, au cas? Mais anyway, chaque instant devient de plus en plus important. Là. Ouais. Fait que tournez de shooter. OK. Non. C'est parce que c'est un peu ma fête. Mais sinon, je pense qu'on commence le show. T'es à l'aise? C'est pas commencé? Ben, je veux dire, on est au début encore. Là. OK. Parce que là... Non, on va commencer ça maintenant. Alors, vous êtes tous... Non, mais je vais arrêter de parler. Il y a à peu près 14 chroniqueurs qui ont préparé quelque chose en fait. Fait let's go, on commence. OK. Voici maintenant les nouvelles avec Bruno Corbin. Les nouvelles. Bruno. Oui. Salut Bruno, ça va? Ça va bien toi? Hey, écoute, on s'en va dans l'univers? Ma place préférée. Voilà. Plus précisément la planète Terre. Et plus précisément encore, on commence en Nouvelle-Orléans avec Clarence Sturlevin, 64 ans, qui avait demandé à son voisin Walter Merrick, 66 ans, de lui ramener de la bière, précisant qu'il voulait de la Budweiser. Merrick serait revenu quelques temps plus tard avec de la Bush. Une dispute a alors éclaté entre les deux hommes à savoir quelle bière était la meilleure et durant laquelle Sturdevin a sorti son gun pour tirer sur Merrick avant de quitter les lieux. T'as toujours ton ma petit bière ton... bière est meilleure que la tienne? Ouais. Bruno, t'as toujours ton petit ton condescendant quand t'as des nouvelles. Il est où le problème? Non, moi je suis impartial, moi. T'as pas vu, j'ai une cravate, man. Aïe, fait que là... L'homme a été transporté à l'hôpital pour des blessures non mortelles. Ah, il est pas mort! Ah, il est pas mort, heureusement. Sinon, j'aurais probablement pas fait la nouvelle. Le respect, oui, c'est ça. Let's go next! Oui, un reporter de la chaîne nationale de télévision sud-africaine à Johannesburg a été attaqué par des voleurs alors qu'il se préparait à entrer en onde. Les deux voleurs ont été pris dans l'acte puisque la caméra tournait déjà. Quand ils ont fait leur move, On peut les voir passer devant la caméra, voler le téléphone du journaliste et regarder directement la caméra. Les deux hommes sont recherchés par la police. On se demande... On vous tient au courant. Aïe, aïe, mais ça arrive comme de plus en plus souvent. Il y avait les autres qui avaient essayé, de voler des caméras de surveillance. La caméra, ouais, qui marchait, tu sais. Fait que là, ils sont allés la déploguer, tu sais. Mais voyons, crise de cave, en tout cas. Let's go next, you know. Oui, alors l'Université des sciences de Aalto en Finlande a publié une nouvelle étude portant sur le déclin de l'attention du public par rapport à la science. À travers plusieurs équations, l'étude prouve qu'il y a trop d'études. Et que le fait d'enterrer les gens avec des nouvelles études rend la rétention des informations des dites études très difficile, réduisant donc l'utilité de chaque étude. Donc en gros, il y a une étude qui dit qu'il y a trop d'études. Ah, mais c'est vraiment une affaire moderne. C'est comme un lobby anti-lobby, genre. Ouais. Sacrement qu'on vit sur une drôle de planète. T'en fais-tu une autre? Moi, je vais en faire une autre parce qu'on est toujours en Finlande. Le géant de l'alimentation finlandais Kesko s'est vu obligé de changer le nom d'un de ses produits puisqu'il faisait de la fausse représentation selon le gouvernement. Effectivement, les boules de viande étant composées principalement de restants de viande retirés à la machine, principalement des abats, ce qui n'est pas considéré comme de la viande par le gouvernement finlandais. Le produit porte donc maintenant simplement le nom de boule. Et puis ça, lui, c'est des vraies nouvelles, là. C'est rien d'inventé. J'étais distrait sur la dernière. Tu parlais-tu de McDo? Non, malheureusement, okay. Non. C'est Kesko qui s'appelle. OK. Kesko. Attends, bon, les bonnes boules. Les boules. C'est bon. Merci beaucoup, Bruno. Avec plaisir. On va y reparler à la fin du show. Oh, hey, Bruno, donnez-y, là. J'ai une petite surprise pour toi, Toto. America. Yes! Bonjour tout le monde, ça va bien? Ouais! Yes! Fuck yeah, mais hein. Ça va, fuck yeah. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien? Hey, je suis content d'être ici ce soir, hein, on reçoit un invité de Marc ce soir. Ouais! Bruno! Ouais, c'est Richard! Ouais, j'ai vu, c'est Richard! Belle rock et belles oreilles! c'est le fun. Tu l'as bien! Merci! Je me pratique, ça fait une semaine, je capote. On a tout... grand homme de radio, grand homme de l'humour au Québec, bien sûr, hein. Vestige d'un passé humoristique québécois, c'est-à-dire quand c'était drôle. Non, ouais, disons-le. je voulais, Richard, ce soir, te faire un petit hommage avec mon beau veston. Et j'ai aussi pensé à me raser pour garder la moustache, hein, pour faire honneur à ce qui fut jadis la plus belle moustache du Québec. Faut le dire. Compétition avec Jean-Guy. C'est-tu du applause bait que tu fais depuis tantôt? Hein? Évidemment, exception faite de l'imbattable Michel Forget, hein, je m'excuse. Oui, mais c'est. Allez, mon gars. Non, mais une moustache de compétition quand même. Alors, c'est pas tous les jours qu'on reçoit une moustache de calibre mondial avec nous. Je voulais donc y rendre hommage, mais j'ai repensé à mon affaire, j'ai eu un doute. Et je me suis dit, je vais vérifier avant de le faire. J'ai donc contacté ce que l'on appelle dans le jargon le Redneck Council. Têtes pensantes du mouvement Redneck, hein, bien sûr. Et qui m'ont dit... C'est des jogalous qui ont sniffé du gaz. qui m'ont dit que j'étais mieux de garder le motif de barbe que je porte en ce moment, histoire de rester conforme à l'uniforme Redneck, bien sûr. Ce que j'ai fait, hein, parce que il faut faire des sacrifices dans la vie. La cause est trop importante, le système est trop important, et on fait donc des sacrifices parce que être libre, ce n'est pas facile tous les jours, Bruno. Et on y est obligé. N'est pas libre qui veut. Faut faire les sacrifices pour se rendre. Mais la bonne façon d'être libre, hein, c'est pas la première fois que je vous le dis, la lumière, elle existe, hein. Il faut donc faire des sacrifices si on veut pas rester dans le noir. Hein, Bruno? Oui. Mais suis-tu, là? Hein, Bruno a de la misère, j'ai écrit mon texte, là, fait qu'il y a de la misère à me suivre. Toujours dans le but de continuer à lire mon texte. Oui, c'est ça, ça va bien avec un texte écrit. Est-ce que ça aboutit à quelque chose, ton affaire? Tu veux-tu ouvrir sa boîte-là, Moustapha? Ouais. Comme... on peut jouer à ça, si tu veux. Non, c'est ça. Donc, je me suis fait dire par le council que j'étais mieux de peut-être pas garder ma barbe, même que là, je vais enlever mon veston. Merci. Il vient parce que, évidemment, selon le council, il y avait vraiment beaucoup trop de manches après mon veston. Sauf que là, j'ai un peu fret dans le dos. C'est le même. Parce que, bien sûr, t'avais froid au corps, mais pas au bras. Ben, j'avais chaud au bras à cause j'avais des manches. Ouais. Mais là, en enlevant mes manches, j'ai eu froid dans le dos. Ok. Ça. Fait que là, j'ai remis ma... C'est compliqué. Une c'est balance compliqué. Très précise. Je ne suis pas ici ce soir pour vous parler uniquement du Redneck Council. En fait, je devrais pas en parler du tout. J'ai un peu trop parlé. Je vais me faire chicaner. Je suis ici pour vous parler. J'avais envie de parler d'actualité. C'est une grosse semaine en actualité cette semaine. Je sais pas si y a des abonnés comme moi au Journal de Montréal. Mais ça a été une grosse semaine. Hein? D'un bord, il y a plusieurs choses qui attirent mon attention cette semaine. Il y a d'abord eu le scandale des emails de Hillary Clinton qui ont été, je sais pas si tu as vu ça Bruno, qui ont été rendus publics. Les emails personnels d'Hillary Clinton. Hein? Qu'est-ce que la démocratie en marche ne ferait pas au nom de la liberté de presse? Hein? C'est fantastique. Alors on sait tout ce qu'elle dit dans sa vie privée, cette femme-là. Et d'ailleurs, je vais en parler plus longuement dans mes prochaines chroniques, notamment avec la parution de mon livre « Hillary Clinton, une femme mise à nu » ou « La liberté de presse expliquée aux enfants ». Ça va être excellent. Et je t'ai rendu où? Ah, mais surtout cette semaine, ce que je voulais faire, c'était rajouter mon grain de sable dans le désert médiatique qui est devenu l'affaire Aladdin. d'un bord, hein, bon, le débat a vite dérapé. Hein, d'un bord, c'était pour ou contre Joël Legendre, carrément. Et de l'autre bord, c'était pour ou contre le Journal de Montréal. Alors, j'ai adoré ça. Là, je me suis dit, comment en parler de façon nouvelle, hein? Pertinente, parce que... Pertinente, ça sera pas facile. Ça a été difficile. Et donc, je me retrouvais dans l'incertitude, dans le doute. Et qu'est-ce que je fais quand je me retrouve dans le doute? Je me retourne vers mon phare, mon maître à penser, le philosophe humoriste du Québec, le seul, Michel Baudry. Michel Baudry. Michel Baudry, Richard... Qui t'a déjà talonné dans la course de la plus belle moustache de la province à une certaine époque? Guy Mongrain, puis Richard Glenn, puis Michel Forget. Puis Il y en avait pas mal, mais Baudry était quand même assez là. Je sais pas s'il y a des gens comme moi qui écoutent des vieux rira bien, mais c'est à voir. Alors, je me suis dit, tournons-nous vers donc le maître à penser, Michel Baudry. Et évidemment, j'ai une chronique sur moi. Parce que j'ai toujours une chronique de Michel Baudry sur moi, c'est normal. Mais es-tu là, dans ta poche de veston, peut-être? Là, t'as fait le... Oh, wow! Hein. je les garde toutes à la fin, mais on me faire une robe. C'est écœurant. C'est une chronique sur la... il nous donne son opinion sur l'affaire Joël Legendre. Je vous la lirai pas ici, parce que ça choquerait quelques bien-pensants, mais... si vous voulez venir me voir après le show, je vais vous laisser la lire. Mais je m'en voudrais de vous parler de Michel Baudry sans finir avec quelques petites vites. Hein? Les petites vites de Michel Baudry qui terminent tellement bien une chronique d'humeur hein, le matin. Et cette semaine, en fait, ce matin, il se surpasse. Alors, on y va. Trois solides. Alors, premièrement, là, suivez-moi là, parce que le génie de Michel Baudry est un petit peu subtil. Faut écouter attentivement. Alors, on écoute. Décédé, l'inventeur de la manette de télévision a été enterré entre deux divans! Oh! Attention, je commence. Là. Ça va. Y en a une pour toi, Moustapha. En fait, c'est une question qu'il nous pose. Est-ce que les musulmans à la cabane à sucre mangent des oreilles d'Allah? Oh! De Mohamed? Non. Peut-être plus? Voilà, ta joke est morte, là? Non. Hey, d'abord, ma joke n'est pas morte, c'est la joke de Michel Baudry, et elle est très vivante. Elle est très vivante, juste pas bonne. Et on finit avec un doozy, là, hein, quelque chose d'assez solide, un jeu de mots. deux hiboux. Non, non, tu viens-tu nous gâcher le punch? Non, vraiment pas. Ok. Ben, je sais pas si ça se gâche un punch de même, honnêtement, Bruno. Ingâchable! C'est ingâchable. Alors, sortie prochaine d'un très beau livre sur les hiboux qui sera en vente, Bruno, chez Arfambeau! Je trouve ça le fun que Michel Baudry s'adresse à moi directement dans ses chroniques. Je, ben c'est le même. Je prends vos applaudissements, mais je les remettrai à celui qui les mérite, à Michel Baudry, bien sûr. Alors, c'est un peu ça pour moi cette semaine. Je vous laisse avec les hashtags d'usage pour ceux qui veulent me suivre sur les médias sociaux. Alors, les hashtags cette semaine sont hashtag StickJatTaguerre, hashtag LeaveJoelAlone et hashtag Je suis Michel Baudry. Merci. Aïe, aïe, aïe. Merci, Toto. Oui. Est-ce que tu es impliqué politiquement? J'ai déjà été candidat du Parti Rhinocéros. Ah, moi aussi, je fais ça, là. En 1984, dans le comté d'Hochelaga-Maisonneuve. Oh, yeah, moi, j'ai fait Outremont. Puis j'avais eu 2000 votes, puis j'avais été questionné par la GRC. Parce que... Oh! Non, non, c'est vrai. On veut entendre ça. C'est que quand tu te présentes aux élections, tu as des reçus d'impôts si les gens te font un don. Fait que j'avais reçu, comme tous les candidats, tu reçois une trousse, puis j'avais une trousse avec des dizaines ou des centaines de reçus. Si les gens font un don, c'est des types d'impôts, mais ça, c'est en 84, je me rappelle pas c'était quoi le... Le pourcentage. Hein? Le règlement, c'est ça, ouais, le pourcentage. Voilà. Mon agent officiel, c'était Guy Lepage. Oui. Et quand je me suis présenté, j'ai reçu ma trousse et j'ai jeté tous les reçus d'impôts aux poubelles en me disant que de toute façon, personne ne me donnerait un sou. Ça fait que, bon, les élections passent et puis là, j'ai presque 2000 votes avec... mon slogan, c'était « Voter pour moi, ma mère va être contente. » Et on part en guerre avec ça, sérieux. Là. Ça fait que, sans même vraiment faire de campagne, sinon une vente trottoir sur la rue Ontario, j'avais eu 1984 votes, quasiment comme l'année des élections. Et puis, bon, l'élection se termine, là, j'ai des téléphones de Élections Canada qui me demandent où sont les reçus. Là, je sais pas de quoi ils parlent. Là, ben, ça prend les reçus. Où sont les reçus? Parce que c'est officiel et tout ça. Par chance, j'ai un cousin qui est avocat. Dans toutes les familles, il devrait toujours avoir un avocat. Et mon cousin a répondu à Élections Canada parce que là, la GRC me posait des questions par rapport à où étaient partis les reçus. Et mon cousin a écrit une lettre que j'ai gardée qui dit à peu près Richard Zetirois, parce que RBO en avait commencé. Mon cousin est un parfait imbécile. En parlant de moi, il a jeté tous ses reçus. Il a écrit la lettre en ton nom, là. C'est ça. Ouais. Ça a passé. Ben, t'avais une confession de parfait imbécile. Depuis ce temps-là, j'ai 1 million dans un compte suisse. Puis, c'est quoi, t'as reçu une médaille aussi de la même institution, là? Oui. Et voilà. Fait que, ben, c'est ça, non, mais ça, c'est mon expérience politique. Ben, ça, j'aime ça. Ben, ouais. On recommence cette année encore, le Parti Rhinocéros. Ben, c'était comme disparu à un moment donné. Hein? Ouais, c'est devenu un néo-rhino, mais là, on est de retour, là. OK. Parce qu'en fait, c'est la loi fédérale qui avait changé, parce qu'à ton époque, le Parti Rhinocéros était terminé quatrième en 84. Et oui, on avait devancé à peu près 18 partis communistes dans Hochelaga-Maisonneuve. Non, mais il y avait le PCO, le PCCML, le PCML. Ils se divisaient tous entre eux autres. Fait c'est, que, ouais, c'est ça. Ouais. La gauche, plus, hein? Plus de votes que le Parti démocratique, le nouveau Parti démocratique. Et voilà les belles années, hein? Oui. Colin. T'as changé ça, toi, t'es allé faire d'autres choses. Oui. Puis c'était avec un de tes potes où RBO venait de commencer. C'est pour ça le Z, hein, parce qu'il y avait déjà un autre Richard Sirois dans le bottin de l'Union des artistes. Non, t'es pas loin. C'est parce qu'il y avait un autre Guy Lepage dans l'Union des artistes. Fait que vous avez décidé de mettre tout un initial. Non, mais c'est parce que notre première émission de radio s'appelait Le Rock de A à Z avec Guy Lepage et Richard Z. Sirois. On a mis A et Z pour faire de A à Z. OK, fait que c'est lui ton vieux pote que t'as rencontré à l'UQAM, puis après ça... C'est ça. OK. Parce que moi, j'aimais ça, ce nom-là, parce qu'on n'a jamais vu ou entendu ça de A à Z dans quelque chose. C'est vrai, ça? Fait que là, je me rappelle, j'étais chez Guy, il était à côté sur son frigidaire, puis il dit, on cherchait un titre d'émission de radio avec le mot rock, parce que c'est une émission de radio sur le rock. Puis là, il y a eu l'idée de Rock et Belles Oreilles, puis là, j'y ai dit que ça marcherait jamais. Et j'ai tellement eu raison! Oui, mais en fait, c'est comme de séparer Roquet puis le c'est rock. C'est ça, parce que c'était une bande dessinée avec un chien qui avait des longues oreilles. Le chien, il était bleu, là. Ouais, ça existe. C'est sûr pas, que vous avez plein d'archives de ça ce soir. Ouais, peut-être, ça va peut-être revenir. Sinon, bon, on va y revenir. Le show commence, on a juste eu un chroniqueur. Ah oui, puis ça en a va 14. Être la nouvelle, en plus, c'est super stressé. OK. Salut, Jessie. Salut. C'est bon, ben, applaudissez Jessie, là, là pour la première fois. Ben, en fait, c'est la deuxième, là. Ouais, mais là, t'es venu donner ton 70% en connaissance de cause. Ouais, ben, en fait, j'ai pas vraiment pu aller au bout de ce que je voulais aller la dernière fois, fait que c'est pour ça que là... OK, t'avais juste émasculé deux sortes de mammifères, fait que c'était pas assez à ton goût, là. Ben, en fait, je voulais vraiment parler des bienfaits de la stérilisation. OK, on est ouvert d'esprit. Non, non, mais c'est vrai, là. OK, on va être sérieux. C'est un sujet qui va être sensible. Alors, je vous avertis, ça peut être un contenu qui peut être offensant pour certains téléspectateurs. C'est pas grave, on est à radio. C'est sa première joke, ça commence bien. C'était une tentative de... Ben ouais, c'est bien, c'est correct. Hein? Fait que, ben, dans le fond, on va castrer puis stériliser les animaux principalement pour éviter la surpopulation, comme la plupart des gens doivent le savoir. On le fait aussi pour éviter des problèmes de comportement, quoique chez l'humain, on pourrait le faire aussi. Puis ça réglerait certains problèmes chez certaines personnes, mais bon. Mais ça existe, la castration chimique, là. Il ouais. donne des pilules dans... Ouais, ben, j'ai même trouvé... Faisait ça avec les homosexuels dans les années 50. Ouais. Vu que... J'ai même trouvé une vidéo de castration d'un homme. Pas chimique, là, mais vraiment la technique. Ouais, avec des dents pis tout, là. OK, non, fais des jokes. Sérieux, fais des jokes. Sérieux. Les conseils d'un maître. Fait que, donc, dans le fond, mais il y a un des avantages à la castration. Je sais pas pourquoi j'aime ce mot-là, tout d'un coup. Mais non, c'est la saveur du mois. Fait que non, pour vrai, un des avantages à la castration et à la stérilisation chez les femelles, parce que dans le fond, il n'y a pas juste les hommes, les femelles, en fait, y a les mâles, il y a les femelles aussi, c'est que dans le fond, ça peut prévenir le cancer de la prostate chez les mâles et chez les femelles, le cancer des glandes de mammaire. Donc, bref... Ah. On le fait, on pourrait le faire pour les humains aussi, ça pourrait prévenir des problèmes. Sauf que là, je me suis fait dire récemment par quelques hommes qui pouvaient... T'as-tu mis « homme » entre guillemets? Parce que j'ai vu un move juste du coin de l'œil. Non, okay, non, c'est bon. Pas. Non, je suis très... quand je fais des guillemets, je suis assez expressive. Okay, c'est bon. Des guillemets. Non, mais bon, bref, c'est ça. Fait que on m'a répondu, ouais, ben pour prévenir le cancer de la prostate, il y a la masturbation puis le sexe. OK. Oui, sauf que si le gars il est manchot, il fait quoi? On est dans la marde là. Ah. Fait que tu fais ça des coussins du couch. T'es-tu en train de dire qu'un gars manchot peut pas se pogner une fille? T'es donc ben manchiste. Non, mais en fait, on priverait pas... Tu sais, on... Ah, laisse faire. Ah, yes, mais... j'ai gagné! Let's go, continue. Non, mais le fait, c'est que je m'en allais dire, oui, OK, si on casse les gars, il n'y a pas juste les manchots qu'on priverait, mais on priverait aussi les femmes, donc. Fait que là, il faudrait trouver une... Oh, fait que ben, là, on tout le monde trouver... qui aime ça, des gars pas castrés serait privé. Fait qu'on pourrait trouver une alternative parce qu'il doit y avoir aussi des femmes manchots, fait qu'eux autres aussi doivent être tristes dans la vie. Donc là, ben, on se dit, bon, ben, ils pourraient avoir des amis avec bénéfices. C'est le nouveau terme pour dire fuck friend, mais moi, dans mon temps, on disait fuck friend, puis je suis pas mal plus habituée avec fuck friend qu'amis avec bénéfices. Donc, où est-ce que j'en étais? Mais... On parle de manchots. on était rendu aux hommes troncs, là, je pense. Mais bon, pour vrai, si on a un couple de manchots, là, on est encore vraiment plus dans merde. Ouais. Là, c'est comme, ça va pas bien. Puis, tu sais, on s'entend que le manchot, il est vraiment dans merde parce que comment il fait pour s'essuyer? Puis, non, je suis pas dans ma phase anale, ça fait longtemps que j'ai passé, mais... On s'entend pour dire qu'un homme manchot est pas vraiment très chanceux. On s'entend! Attends, de quoi on parle, là? On parle de manchots qui se torchent. OK, c'est bon. Non, c'est bon, moi je te suis. Non, hein, mais... la vie, c'est pas une destination, hein, c'est un voyage. Non, mais... mais tout ça pour dire que... Ça pourrait être pire, tu sais, ta vie pourrait être pire que d'être manchot, quoique t'as pas besoin d'être manchot pour être une légende. Puis, je m'égare du sujet. Fin de la parenthèse, OK. Non, mais, tu sais, moi, il n'y a pas de point A au point B. C'est point A, C, D, E, F. Je sais, c'est ça, une fille. Oh! Bouh! Ah, je suis tellement sexiste, moi, c'est incroyable. C'est... Fait que dans le fond, tu t'en. Un vrai mais gars. Tu pas pourquoi tu n'as jamais de fille comme crinqueuse? Ben, je sais pas, parce qu'il n'a jamais. Ben, Stéphanie, gueule. Non, ta gueule, toi. Ouais, sauf qu'en même temps, ça, il n'y en a jamais eu. On en avait une, puis à part de castration pendant une demi-heure. Fait que. Je me sentais pas bien ben responsable. Je tiens à préciser qu'on a insisté 3 fois pour me le demander. Donc, je ne suis pas responsable, mais vraiment pas responsable. Sauf donc, quand tu acceptes. Bon, OK, là, ça va faire, là. Tommy, laisse-la finir sa chronique. Ouais, let's go, fini, là. Toi, focus. Tu sais, honnêtement, c'est dur de focusser quand t'es arrêté à chaque 30 secondes. Focus. S'il te plaît. C'est comme une castration, il faut que tu la fasses au complet, d'un coup, rapidement, sinon ça fait bien mal. C'est bien plus agréable quand il va bien lentement puis que le gars, il souffre. Oh! Moi, je suis d'accord avec ça. C'est comme, dans le fond, le dégriffage chez les chats. Je sais, ça n'a aucun rapport, mais... Ben, j'ai vraiment, vraiment besoin d'en parler parce que c'est une crotte sur le cœur personnel parce que les gens, ils savent pas c'est quoi un dégriffage chez un chat ou la plupart des gens le savent pas. Puis, ben, dans le fond, ce que c'est en réalité, le dégriffage... Tu nous fais pas deviner? Excuse-moi. Excusez-moi. J'ai pas. Dans le fond, le dégriffage. Oui. Il est stick, tu vas. Ah, en tout cas. Donc, le dégriffage, en fait, c'est vraiment une amputation de chaque première phalange, de chaque doigt. OK. Puis, nous, on marche sur la pointe, sur la plante des pieds. Eux, ils marchent sur leurs doigts. Comme ça. Fait que dans le fond, c'est comme si je te coupais chaque première phalange de chaque orteil, puis je te disais. Au réveil, pas après une semaine ou deux de convalescence, non, tout de suite, va marcher sur la pointe des pieds. C'est ça, un dégriffage. Donc, c'est ma... Fait que tu déconseilles aux gens de dégriffer leur chat. Oui. C'est ton cri du cœur, c'est pour c'est ça que t'es ici. C'est mon cri du cœur. OK. Puis, bonne chance aux manchots aussi, genre. Mais... Ça revient... Ben, on parle de la même chose un peu, en fait. Parce que... Je vois le lien là, que tu voulais faire. Oui. C'est bon. OK, excuse-moi de t'avoir interrompu. Donner la chance, hein? En tout cas, donc bref, oui, c'est dégoûtant, je sais, donc je m'en excuse. Mais bon, ben pour finir, ben si jamais vous croisez un homme manchot ou une femme manchot, il y a une petite pensée pour lui ou elle, parce que c'est triste d'être manchot. Ouais! C'est vrai, merci, je sais, merci. C'est vrai que c'est triste. Moi, je me suis déjà fait arracher une dent. J'ai demandé au dentiste, est-ce que je peux garder la dent? Puis le dentiste m'a dit, ben non, t'as pas le droit. Pourquoi? Ben, je sais pas. Chris, c'est à moi, c'est ma dent. Pourquoi je peux pas la garder? Ben, fait c'est sûr que tu peux garder ta dent, voyons. Ben, il a pas voulu. Là, en tout cas, j'étais bien, bien déçu. On continue. Bonsoir tout le monde. Salut Andy. Comment ça va? Bonsoir. Ça va, Richard. En Asie, t'as vu, il y a Richard Z. Ben oui, je suis assez heureux. Hey boy. D'ailleurs, tu sais, je faisais une recherche justement sur Richard parce que je me disais, est-ce que je fais un honneur? Est-ce que je fais une imitation? Est-ce que je fais, tu sais, du lichage? Ouais. Non, en non. Règle, tu sais. Puis là, je me suis arrêté à une cause que tu supportes peut-être encore aujourd'hui, mais il y a un La castration. On est proche. On est très proche. Mais j'ai été vasectomisé. Ah, bon, ben, ouais. Mais ça doit pas être la cause en question. Tu, mais c'est plutôt, t'as supporté un album qui s'appelle Dark Side of the Noon. Oui. L'année j'ai, passée. J'ai, non, mais en fait, on m'a demandé d'être porte-parole à l'occasion de deux événements On dit-tu pour le cancer de la prostate ou contre le cancer? Ben, de... j'irais contre, moi. Pour le compte de, du cancer. Pour là. Être contre. C'est ça. Puis j'ai accepté juste parce que l'album s'appelait Dark Side of the Moon, puis je trouvais ça vraiment bon. C'est génial. Hein? Ouais. Puis moi, avec, j'ai tellement adoré ça, je me suis dit, ah non, fuck it, man, je vais juste... Parce que, à quelque part, un, c'est la bonne crowd ici à soir, je pense. Je pense que c'est le bon endroit, un pub, où est-ce que le monde boit pour parler du cancer. Yeah! Du cancer des testicules. Et ça m'a rappelé que j'ai une chronique, une nouvelle chronique populaire qui s'appelle « La vie, cette salope ». Et ben, je me suis dit, bon, mais quelle belle occasion de parler d'une cause qui va devenir, qui va tout nous tenir à cœur, ben, on va garocher plein d'argent tantôt. La vie? OK, la fait vie, cette salope. Dans le fond, aussi, la castration pourrait prévenir le cancer des testicules. On va s'y rendre à la fin de ma chronique. C'est sûr que si t'es enlève... On va s'y rendre à la fin de ma chronique, on part. OK. Le cancer du testicule prend généralement naissance dans deux cellules. Évidemment, à l'intérieur des testicules. La première, les cellules germinales qui produisent les spermatozoïdes et aussi les cellules non germinales ayant pour origine les cellules qui assurent la production de testostérone et qui servent au maintien de la structure du testicule. Faut pas que ça devienne comme du spaghetti. C'est fâchant quand ça devient ça. Les tumeurs germinales sont les formes les plus fréquentes du cancer du testicule, 95% dans les cas. Et de façon simple, on définit deux grandes classes de tumeurs germinales, le séminome et le non-séminome. J'ai oublié de dire, à soir, je rehausse 70%. Je sais qu'on est à 10, 15. Je sais pas ce qui arrive à mon show. Ouais, ben, je vais l'amener à 80%, je vais laisser trois autres descendre ça à 60. Tu vas faire un gros rat. Bruno va ramener ça à 70. C'est bon. Ce qui est quand même très important, c'est que le cancer des testicules touche majoritairement les jeunes hommes. Donc, de 15 à 30, 35 ans, moi, je suis passé. Fait que je suis correct, je suis en vie. Checkez-vous. J'aime ça. Est-ce que vous avez assez peur de vos couilles? Ben, il faut commencer, là. Bon, mais reste ici, je vais te montrer comment. mais sans blague, c'est quand même le cancer qui est le plus courant chez les jeunes hommes, donc de 15 à 29 ans. C'est un petit peu plus faible avant la puberté, puis ça augmente vraiment beaucoup à 14, 15 ans, et ça va faire un pic jusqu'à 30 ans, puis par la suite, ça redescend à 60 ans. Après ça, c'est la prostate qui fait peur. Des choses que j'ai découvert que je trouvais quand même intéressant, c'est que... L'incidence, donc, d'avoir le cancer des testicules atteint beaucoup plus les hommes blancs que les hommes noirs et asiatiques. Arabe, t'es blanc, man. Je suis désolé. Non, non, t'es blanc, t'es pas africain, man. Ah, moi, j'ai décidé que tu l'étais pas. Le cancer du testicule affecte plus souvent les hommes de statut socio-économique élevé. Mathieu, t'es safe. Ça va bien. Autre cause possible, c'est pas officiel, mais ils ont commencé à trouver comme « Ah, ça se pourrait que ça soit à cause de ça. » La grandeur, la taille, Mathieu, je suis désolé. Si t'es infecté au VIH, mais déjà en partant, tu pars mal. puberté précoce. T'sais, c'est chien, ça. T'es comme, t'es le premier gars à avoir la voix basse. T'as 11 ans, genre, pis cancer du testicule. Damn. Les pesticides, donc enfin une raison pour pas aller piler sur des affaires, ou est-ce qu'il y a une petite pancarte qui marque ne pas piler sur des affaires. Et je suis sincèrement désolé, à peu près 80% de la salle, le pot. Désolé. Ouais, pour de vrai. Hein? Fait que Mathieu, je suis vraiment encore une fois désolé. Le pot. Attends, là, t'es en train de me dire que la dope a des effets négatifs? Ben, celle-là, en tout cas. Enfin, on a trouvé un effet négatif au pot. Ah ben, tabarnak. Ouais. Heureusement que je fais une petite pot, je vais l'oublier rapidement. Ah ouais, ça va bien aller. ce qui n'amène pas le cancer, ou du moins, ils n'ont pas trouvé de corrélation, la vasectomie. C'est correct, Richard. Le traumatisme ou blessure au testicule, donc donner des coups de pied... comme vous voulez. Il n'y a aucun problème là. Le tabac et l'alcool. Donc, vous êtes à la bonne place ici à soir. Je pensais que tu allais nommer toutes les affaires qui causent pas le cancer. On arrête ça là. C'est beaucoup d'affaires. Puis de toute façon, chaque affaire qui cause pas le cancer, écoutez de la musique fort. Faire un show de radio. OK. Donc, comment qu'on fait pour prévenir? Parce qu'il y a moyen de prévenir ou de détecter ce cancer. Et c'est bien sûr, comme pour les dames, c'est l'auto-examen des testicules. Il y a des techniques très efficaces, très simples. Et on recommande, les experts recommandent... à partir de 15 ans, à tous les mois, de le faire au moins une fois par mois. Ça vous prend deux choses, un miroir, une ou deux testicules. Est-ce que ça prend des mains aussi? Parce que je m'inquiète pour les manchots. Je pensais à ça, moi aussi. Non, t'es correct, tu peux être manchot, il n'y a aucun problème. OK, c'est bon. Je viens de le tester. OK. Donc, la façon que tu peux te détecter, c'est si, évidemment, tu as une bosse sur une testicule, une boule dure, ou une douleur dans une testicule. Évidemment, si tu as des sensations de douleur vers le bas-ventre, une douleur faible mais constante, généralement, reste pas ici, parle pas à moi, prends pas mes conseils, va-t'en voir un médecin, c'est toujours un bon truc. Là, je m'adresse aux madames parce que je suis conscient que ça vous touche pas vraiment. Mais vous pouvez aider un homme à, qui se cherche le cancer. Il y a tellement de testicules pas tripotés. Donnez généreusement. Généreusement. On a fait la même chose pour les tests pour le cancer du sein. On peut échanger, je pense. OK. Moi, bon. Je suis prête à m'offrir, mais là, ils ont toutes peur. Ben non. Alors, on y va pour la période... La période, comment qu'on le fait? Alors, j'ai deux ici, deux paires de testicules quand même assez fermes. Une paire, ouais, c'est ça? Non, une paire, merci. Une paire, ouais. Une paire. Donc, tu veux-tu m'en tenir une? Merci. T'as pu me demander des avocats, c'est pareil. Hein. Prenez des notes parce qu'il va y avoir des tests juste à côté des toilettes tantôt. C'est super important. La première chose que vous faites, vous mettez debout devant un miroir. Observez-les pour voir s'il n'y a pas quelque chose à changer vite de même. Important en passant, c'est de le faire après un bain chaud, après une douche chaude, parce que les muscles au niveau du scrotum sont beaucoup plus élastiques, c'est plus simple, on peut aller tamponner beaucoup plus aisément. Merci, je cherchais le mot. Vous prenez donc un ou deux doigts, peut-être trois si vous vous sentez willing. Donc ça prend des doigts, là. Ça prend des doigts. OK. On mais... a besoin de trois, fait que c'est ça que je vais utiliser, OK? Le pouce vers le haut, comme ça, okay. Puis on tâtonne. Comme ça, tout doux. Hey, c'est confus. Il faut appuyer un peu pour voir s'il y a des douleurs. Comme là, je suis en train d'éclater ma testicule, c'est trop fort. Ouais. Faut pas faire éclater la testicule, c'est important. T'as clairement jamais touché à ça, des testicules. Toi. Non, jamais. Ça se lave, ça? Ouais. Oh. généralement, ils sont ovales, donc comme un œuf qui vient de casser dans ma main. Toi, t'es plus doux avec ta testicule. Moi, je suis assez ferme, mais pas trop. Mais pas trop, quand. Ah, si vous avez des douleurs, si vous avez des bosses, tout ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut pas dire que vous avez le cancer. Allez pas sur Internet vérifier ce que c'est parce que vous avez le cancer automatiquement. Parce que un médecin, généralement, va vous aider par rapport à ça. En passant, généralement, pour les messieurs, je parle. Mm-hmm. Si vous sentez une espèce de bosse qui part vers le haut, c'est normal, ça. C'est un câble. Ben non, c'est le câble qui transmet les spermatozoïdes. Il y a un nom pour ça. Bon, ce qu'elle dit. Canal différent. Le canal différent, ça sonne comme un poste de TV pour les ethniques. Genre comme VTL, le canal différent. Là. Ah, c'est plus différent. Sérieux, c'est le truc qui va faire que tout le monde va s'en rappeler. Là. Constamment. Fait que c'est le VTV des couilles. On s'entend, c'est différent. Hein? C'est pas différent. Non, c'est différent. Mais rendu là, on s'en crisse. Okay. Ouais. Continue. OK, bon. Évidemment, bon, de tous les cancers, le cancer des testicules, c'est celui qui est associé avec le plus haut taux de guérison. Il y a quand même ça qu'on a de gagné. C'est assez simple. À cause d'une des techniques de chirurgie qui est l'orchidectomie. Mais qu'est-ce que l'orchidectomie? C'est quoi l'orchidectomie? C'est quand tu prends ta testicule puis ta chop. Ah! Oh! Elle est tombée par terre. Adieu. Mais c'est la façon la plus simple et évidemment, on s'entend. Ben, c'est un peu comme la mastectomie. Quand on coupe un sein, c'est le même concept, ça guérit vite. L'autre façon, c'est la dissection des ganglions lymphatiques rétropérinéaux. Ça, c'est en arrière la testicule. C'est un peu compliqué, là. Allez voir des vidéos sur Internet. Sérieux, là. OK, on va finir ça vite. Il y a des façons d'aider. Ouais, tu peux le manger, il n'y a pas de problème. Ça a été cuit dans mon bain. Pareil. Bah, faites tout ça, de toute façon, dans vos déserts, puis tout. OK. Je suis pas correct, j'ai fait du toto. Dans les oasis. Ouais. Comment qu'on peut aider? C'est assez simple. Vous l'avez certainement déjà fait, le Movember. Il fait pas que ça, mais évidemment, le Movember va aider tous les cancers masculins, donc prostate et testicules. Je peux te poser une question? Oui, vas-y. Il aide à faire quoi? Est-ce qu'il aide le cancer à se propager? Ben, il aide à devenir cool quand tu le fais dans tes amis. Mais de façon ironique travail. Un peu. Oh, oui, un petit peu sarcastique, ouais, ironique. Si tu le fais au mois de septembre, t'es encore comme plus cool. Ouais. Mais l'important, c'est de ramasser de l'argent au bout de la ligne, peu importe si t'es cool ou pas. Tu fais ça 20 ans à l'avance, puis tu t'appelles Jury Chargé de Tiroir, comment ça? Il y a aussi le printemps masculin, ça fait 4 ans qu'ils font ça. On est rendu à la 4e épisode ou saison. Et il y a un cocktail dînatoire avec deux noirs. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est eux qui sont moins propices à en recevoir. Je trouve ça génial. Au Musée d'art contemporain, au 185 rue Sainte-Catherine, Montréal, c'est le 9 avril de 18h à 22h. Le prix, c'est 120$. OK, je sais, c'est extrêmement cher. 120$ pour les couilles de ce monde. Mais tu reçois un reçu d'impôt de 80$. Donc, c'est un show de 40$ à quelque part. Donc, ben c'est ça. Donc, c'était tout simplement ma chronique en honneur à une de tes causes. Donc, j'espère que t'en aies d'autres un jour. Ben oui, merci beaucoup, Andy. Andy Joke. Merci. Je vais être drôle la semaine prochaine, promis, ça revient. D'ailleurs, j'aimerais m'excuser un petit peu, Richard. D'habitude, ça ressemble vraiment pas à ça. On garde ça peut-être autant en dessous de la ceinture, mais on va dans toutes les régions. Là, on est vraiment comme consacré à... aux testicules, non, j'espère que ça t'a busqué pas. Genre. Non, pas du tout. J'aime ça beaucoup. J'ai pris beaucoup de drogue ce soir. C'est pas. C'est que... ça rappelle les belles années, genre. Mais je voudrais revenir sur la chronique castration. Castration, oui. Ça veut dire quoi, fuck friend? ça veut dire. Tu veux vraiment que je te réponde? Mais c'est parce que je suis né en 1934, là, tu sais, fait que. Arrête! 56! Ah, il a fait des recherches. Richard, je pense que tu connais un terme que tu connais. Des concubines, là, quand même. Des concubines, tu connais ça? Concubines? Non, ok, il connaît pas. Laisse faire. Ok, c'est bref, quelqu'un avec qui tu désires juste faire. Ah, comme Roxane! Ok! Ok, j'ai compris. La Roxane des polices, vous voulez dire? Non, ben, elle s'appelle Roxane à cause des. Attends, oui, non. Ah, comme elle aime pas ça que j'en parle. OK. On la salue. Ben, tu voulais nous parler de... Rien. OK, c'est bon. Okay. Je sens que tu veux parler de sexe. C'est pour ça qu'on t'a invité, justement. Hey, la quantité de fois que j'ai baisé d'un pack de Longueuil, là. Deux fois! C'est une joke. Deux fois! As-tu aidé à la réputation du parc, tu penses? Non, mais en fait, c'est parce que je voulais parler de vasectomie. Ah oui? Oui, parce que j'ai deux enfants, moi, à cause d'André Ducharme. Non, mais il y a personne ici qui écoute pas, là. Non, mais j'essaie d'être décousu comme les chroniqueurs ce soir. Ça va bien. Non, mais c'est parce que André Ducharme s'est fait vasectomiser il y a très, très longtemps, après avoir eu deux enfants. Et quand il s'est fait vasectomiser, le médecin a oublié de le geler. Oh. Alors, il s'est fait comme chopper le petit canal déférent. C'est quoi, le médecin, il avait une vendetta? C'est... Je sais pas, mais peut-être parce qu'il avait fait des jokes sur des médecins. Fait qu'il s'est fait vasectomiser à froid. Là, il m'a raconté il y a très longtemps de ça que que lui avait hurlé pendant je sais pas combien de temps. Et moi, je pensais à la vasectomie après avoir eu un enfant. Je me suis pas fait vasectomiser après cet enfant-là. À cause d'André, et par la suite, j'ai eu deux enfants. Mais pourtant, c'est. Oh, je m'excuse. Non, je comprends. Fait que t'as déjà parlé de ça à tes enfants? Ben non. Non, mais j'ai. Puis, penses-tu qu'ils écoutent le show? T'as eu quelle heure? En tout cas, Une petite carte. Une petite carte à Noël, ça serait. Et je voulais aussi parler poil de poche. Ce sujet... Non, mais c'est parce qu'on est dans le sujet de la puberté. Moi, j'ai eu une puberté horrible. Et, vraiment. À Matane, mes parents m'ont jamais parlé de sexe de ma vie. Rien. Mais rien. Mon père m'a expliqué la sexualité en 20 secondes. J'avais 11 ou 12 ans. Ça a commencé comme ça. Il dit, mon ami, il y a un garçon. Son garçon-là couché avec une fille. La fille est tombée enceinte, puis il s'est sauvé à Vancouver. Fait que ça a été mon éducation sexuelle. Ça a duré 20 secondes. À part de ça... Ni mon père, ni ma... ils m'ont jamais, jamais parlé. Et puis là, on est en 64, 66. Ben, j'avais 11 ans, je suis né en 56, en 67. Il n'y avait pas de cours, là. Il n'y avait pas de watatata pour t'apprendre à mettre une capote sur une banane. J'avais juste un oncle qui laissait traîner des Playboy en dessous du fauteuil. Mais, puis là, je savais pas, moi, qu'à un moment donné, qu'on était pour avoir du poil sur les testicules. L'endroit. Et c'est ça. Fait que là, à un moment donné, j'ai un poil qui commence à pousser. Mais il est comme, il est minuscule. Fait que là, moi, je capote, j'ai un poil sur la poche, tu sais. Fait que là, et à chaque jour, à chaque une fois par jour, je vais à la salle de bain pour m'auto-examiner comme il faut le faire. Et voilà. Parce que ça, vous étiez au courant, par exemple. Et de semaine en semaine, c'était vraiment hallucinant. C'était vraiment, ça me faisait peur parce que j'avais juste un poil qui poussait. J'en avais pas un deuxième. Mon testicule ressemblait à la tête de Popeye. Et ça a duré des mois de main. Écoute, à un moment donné, il était quasiment 2 pouces de long. Puis j'en avais pas un deuxième. Quand il est parti que ça fait, ça fait quelqu'un de fucké dans la vie, ça. J'avoue. Puis et ça... un petit peu après, à l'âge de 13 ans, à cause de ça, j'ai commencé à prendre de la drogue. Ouais. Au moins, ça finit bien. Ouais. C'est ce qu'on appelle une fin heureuse à une histoire malheureuse. Et voilà. Merci beaucoup, Richard. Moi aussi, j'ai... Oh, c'est assez mais gros. Comme Guy dit, tout le monde en parle, on peut couper au montage. Ouais, pas ici. Non, nous autres, mais c'est pas là, il y a personne qui écoute ça en direct, là? Ben, il y a au moins une soixantaine de personnes. OK, ça c'est déjà. Okay. Puis sinon, nous autres, on se bat pas avec du montage, là. C'est ça, demain, c'est... dans le Journal de Montréal, Sophie Durocher, il avait un poil sur la poche! Et le jour après, ça va être Martineau qui va continuer la chronique. Puis Enfin du journalisme au Québec, ouais. Colin. Puis si je suis vraiment chanceux, Éric Duhaime en parle jeudi. Ouais! À la radio importante que tout le monde aime. Fait qu'il y a un petit dernier avant la pause, je pense. On va se faire un... On est rendu à la pause? On est rendu à la pause. On est rendu à la pause, on fait la pause. Yannick, je parle vraiment trop longtemps. On fait la pause? On aime ça, Richard. Ouais, on fait la pause. Alors, c'est le temps de la pause. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, si vous avez besoin de sortir fumer une cigarette, c'est le temps. Sinon, en attendant, vous pouvez toujours accompagner notre bon ami Chinook, le danseur attitré de 70%. Et ce soir, Chinook se fera aller sur les bons vieux succès de Rock et Belles Oreilles. La maladie du baiser, la maladie du baiser, la maladie du baiser. Chéri, quand je t'ai rentré, le feu sauvage de l'amour, le feu, la maladie du baiser, le feu sauvage de l'amour, le feu sauvage, le feu sauvage, le feu sauvage de l'amour. Le feu sauvage de l'amour, le feu sauvage. Merci au montage. Maison, malade de boisson. Tous les soirs, je sors dans les bars. Tous les soirs, ce besoin arrête, de boire. Arrête de boire. Plus tard, je rentre à la maison, me faire un dîner soinçon. Yeah. c'était de la musique, ça! Hey, en 92, on avait de la bonne musique. Il y avait des groupes comme... Il y en avait de la bonne musique. Non, mais faut se le dire, en 1992, il n'y en avait plus de gros groupes populaires, là, des bands, tu sais, un vrai band. Un drum, une guitare, une bass, ils font du tapage, ils font du bruit, puis ça donne de la bonne musique. On avait le droit à quoi en 1992? D'un côté, on avait les boys bands. Ça, c'était 4-5 gars qui chantent, qui dansent ensemble. Puis là, toutes les petites filles veulent savoir dans la gang c'est lequel qui est gay. Fait que comme ça, ils peuvent toutes triper dessus. Puis ils peuvent pas être jalouses entre eux autres. Parce que de toute manière, il y a personne qui va finir avec. Et de l'autre côté, il y avait les girls band. Là, moi, j'ai perdu ma lumière, là. Hey, la lumière, la technique! T'as débranché ma lumière. Bon, faut que je change de place. Fac, en 92, on avait les boys band, puis de l'autre côté, on avait les girls band. Ça, c'est encore 2, 3, 5 filles, ça dépendait. Ils chantent, ils dansent ensemble. Il y en a qui ont été plus game, ils ont fait des films. Puis là, toutes les petites filles veulent savoir dans la gang c'est laquelle qui est lesbienne. Pour s'identifier à elle, éventuellement, sortir du garde-robe puis tous matcher ensemble. Puis encore là, il n'y a pas de jalousie. 1992 pour les gars, il restait quoi? Hein? Tommy, après les boys band, les girls band, là, pour les petites filles, il restait quoi pour les gars? Les Turtles. Il restait la musique de club. La musique des DJ. 1992, c'était l'arrivée du pop, du dance, du techno. Les débuts du techno. On sortait, on dansait toute la soirée, toute la nuit. Come on, Chinook, t'es où, mon Chinook? Chinook, t'es où? On dansait, on sortait toute la nuit. Pour les plus jeunes, il y avait les clubs 14-18. Là, on dansait, il fallait pas que ton pied bouge, hein? C'est vrai, les filles aimaient ça. Hey non, mais sérieusement, en 1992, nos soirées étaient tellement longues, on n'allait pas juste là avec nos mondes, on allait là avec nos agendas aussi. Richard veut pas danser. Ah, oh, c'est pas grave. Hey, en 1992 aussi, qu'est-ce qui était hot? Hein? Tu te souviens-tu, Tommy, la super phrase? H, pote. Mascaline. Là, il y a un clip qui était supposé partir. Mascaline! Hey, l'alcool fait sport, mon gars, là. Je suis down. Mon deck est pas bon, hein? Je pense que mon tech a de la misère. Ben ouais. Collé, c'est quelqu'un qui a changé mes bonbons. Ben là, tu viens d'avaler une bouteille de pilule au complet, fait que la soirée va bien se finir. C'est un peu plus cher, mais c'est plus que du bonbon. Et voilà, c'est dit. Hey non, mais sérieux, 1992, ça me rappelle Isabelle. La première fille avec qui j'ai fait l'amour, man. Isabelle, Isabelle. Les 30 plus belles secondes de toute ma vie! Non, pas vraiment. 1992, là, je suis fucké dans mon texte. Ah oui, 1992, ben oui, tout le monde sait ça, franchement. Ma 8e année au secondaire. Hey, le secondaire, hey, ça me rappelle mon chum Bernie. Le premier gars de la gang à avoir eu un scooter. Ouh. Hey, pis là, là, on était toute la gang. Toute la gang sur scooter. Ouais, parce qu'un scooter, c'est un bicycle monté sur un frame de tondeuse. Puis là, on pognait un dos d'angle. Hey, mais mon chum Bernie, il a fini par avoir un crisse de gros accident, man. Pas loin d'ici. Au coin de René Lévesque pis Dorchester. Il est mort. Oh non. On l'a incinéré, hein. Ben ouais, par respect, c'était sa volonté. Ben mon chum Bernie qui buvait son 40 onces d'alcool par jour, il a brûlé pendant 3 jours. Hey, ce soir-là, là, hey, on y brûlait, on se faisait des guimauves, on se faisait des saucisses, là, mais j'étais tellement saoul, man. Tellement saoul, tout le monde me voyait double. Hey, j'étais tellement stone, là. J'essayais de frencher ma blonde, ça me prenait une demi-heure me mettre vis-à-vis, là. Hey, j'étais rendu tellement fucky, là. Fucky! Hey, j'ai suivi une thérapie de groupe. On est à 30. Ben, il y avait moi, 28 thérapeutes, puis mon chum Bernie. J'ai resté enfermé pendant 20 ans, je sais pas pourquoi. Mais 92, c'était quand même les belles années. C'était les années des discothèques. C'était les années où est-ce que personne... Hey, c'était les années où est-ce que les Nordiques étaient encore hot, man. Les Nordiques, pareil. Joe Sakic. Ouais. Et voilà. Non, il fallait juste le souligner, là. Il n'y avait pas de joke à propos des Nordiques. Il n'y a pas de joke à faire à propos des Nordiques. Yo. Mais là, il faut que je vous laisse, là. Parce qu'il faut que j'aille rejoindre mes vacances, mes matantes qui viennent de vacances de Colombie. Okay. Bonne soirée. Merci, Yannick. C'est Yannick, ouais. Yannick, notre technicien, qui s'est laissé aller avec un petit show de commémoratisation, on va dire. Bon, ben, on poursuit 70%. Merci d'être avec nous. Hello, my name is Michel Libier from UKM Internet in France. My job is tough. I do the troubleshooting with Bluetooth wireless internet card, although it doesn't work properly quite often. When I'm finished, tired and breathless at my house, I French my spoons and listen to 70%. 70%. C'est comme les testicules, j'ai deux micros. Ouh. Ah! Ouh! Bon. Salut, en commençant, juste une petite chose. Je suis vraiment content de vous rencontrer, monsieur... Sirois. Oui, c'est ça. Je suis un gros fan de votre frère. Non mais non mais c'est vrai le boson de Higgs là, tu sais, c'est mainstream. et moi j'ai un problème, c'est que c'est un vieux projet qui traîne là, je veux dominer le monde et j'ai un problème avec mon rayon de la mort. Peut-être qu'on pourrait se mettre en contact avec ton frère. Peut-être que j'ai un problème avec la rénumescence. Fait que je sais pas, peut-être que lui pourrait m'aider là-dedans. Oui. Un rayon de la mort, ça a l'air éthique, ça a l'air cool. Ouais, oui, c'est correct, un rayon de la mort. J'ai travaillé longtemps sur les robots, là, je suis rendu dans le rayon de la mort. Tu m'as jamais appelé. Non, malheureusement. Ben, OK, on reste en contact. OK. J'ai un nouvel ami Facebook, pas vous. Non, mais c'est vraiment juste de la marde. Ça fait... Je l'ai rarement vu heureux comme ça, en fait. Ça, c'est... T'as pas tort, Tommy. Mais moi, cette semaine, hein, c'est comme tout le monde, là... Je m'appelle Mathieu et je me suis déjà crossé dans un parc. Bonsoir Mathieu! Bonsoir! Comme il y a un de mes chummies qui disait ça, il disait que celui qui ne s'est jamais branlé dans un parc détruise ma réputation. Puis là, je reçois 235 000 copies du Journal de Montréal en face. C'est fou. Deux choses à propos de ça. Un, Joël Legendre se branle dans un parc. Voilà. Deux, too bad. Ouais, too bad, c'est très, très, très simple. C'est que c'est interdit, OK, de se branler dans un parc. Si tu veux pouvoir te branler dans un parc, ben, écoute, milite pour changer les lois. Il a pas fait les choses dans le bon ordre. Voilà. Ah ouais, je comprends. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Le monde dehors, hein, c'est des zombies. C'est ça. Fait qu'ils se bouffent entre eux autres à longueur de journée. Et une nouvelle comme ça, ça n'avait aucune chance de ne pas se retrouver dans les médias. Tu comprendras pourquoi, hein? Non, et t'as-tu bon. Remarqué que c'est le politicien qui a dit ça? Ah ouais, il vient t'en faire du capital. Non, mais pense-y. Excuse-moi, Richard, ça se passe pas toujours comme ça. Pense-y, là, OK? On va y penser tous ensemble. Joël se masturbe en public. Hey man, savais-tu dans les restos de Montréal que dans plus de la moitié des cas, ce n'est pas du porc, c'est du porc qu'on te sert quand on commande du veau, hein? Man, relax, là, t'as juste à pas en commander, je me touche dans le parc. T'sais, tu vois qu'on trippe, tu sais? Écoute, regarde, c'est cool, c'est vraiment le fun. Tu vois, les policiers arrêtent les manifestations avant que ça commence. Guy Turcotte cherche à fonder une nouvelle famille. Et nous, on... non, je sais que c'est pas la même chose. Ce que je veux te dire, c'est que nous autres, là, on vient de trouver Pee-wee Herman québécois. Et on chante. Je me touche dans le parc. Bon, OK, tu comprends? On capote. Non, mais c'est parce que la cible est grande. Hein? La cible est grosse, t'as même pas besoin de savoir viser. OK? Tu y touches, tout le monde y touche. Je trouve ça spécial. Je trouve ça spécial d'entendre que la voix d'Aladin s'astique la lampe. Peut-être voulait-il faire son troisième souhait. Faire sortir le génie. C'est exactement ça mon point, en fait. Là, je vais expliquer. C'est parce que dans le monde interlope, nous, on le sait, mais Joël a déjà fait deux vœux. Non, c'est vrai. C'est vrai. Quand il était enfant, je vais t'expliquer, là, je sais que tu comprends pas. C'est tout le temps la même chose. Je vais t'expliquer ça. C'est que Joël-O, OK, le petit du Joël, Joël-O a trouvé une lampe. Quand il était enfant, dans son pantalon. Et ça y a pas pris de temps hein, de se rendre compte qu'il suffisait de la frotter juste un peu pour que le génie sorte. Et quand le génie sort, tu es ce qu'on appelle un sans-génie. Et quand tu es un sans-génie, ben tu fais des choses caves. Bon. Mais qui n'a jamais fait sortir le génie? Ça, c'est mon deuxième point. Tu peux te référer en haut de la feuille, c'est ouais, c'est ça. Et lui, il avait trouvé ça là, en jouant au docteur avec son ami de fille, là, Claude. C'est comme ça. Et bon, son premier vœu à Joël, ça a été de d'avoir du talent. Non, apparemment, il a demandé de la versatilité, hein? Ce qui l'a mené à son deuxième vœu, hein, son album de Noël. Ben non, c'est une blague. Ça faisait partie du premier vœu, hein, être versatile. Ouais. Et non, mais c'est parce que je dis ça parce que moi, à Noël, je suis allé chez Archambault, puis il y avait sa grosse face de Noël imprimée sur l'ascenseur, et là, quand l'ascenseur s'ouvrait, sa face se repliait sur elle-même. Et là, on rentrait là-dedans et vraiment, tu poses pas les mêmes questions au vendeur, tu sais. J'étais là, ouais, je suis pas sûr, tu l'as-tu dans le Joël Legendre? parce que... Non, mais là, le gars me regarde. Je dis, mais non, mais c'est parce que, tu sais, t'as son livre de cuisine, t'as son disque, t'as son ascenseur. Peut-être as-tu ses baguettes de drum, hein? Et... Bon, OK, le gars, il m'a crissé dehors. OK, je te le dis tout de suite, il m'a crissé dehors. Mais selon les règles de l'entreprise, OK, c'est-à-dire que j'ai payé avant de sortir. Ça se passe pas toujours comme ça. Généralement, je me fais pas pogner. Tout ça pour dire que son deuxième vœu, ce n'est pas son hostie de calice d'album de Noël, c'est bien d'avoir des enfants. Et ça, c'est bien. Ah oui, applaudis ta misère, applaudis-la. S'il n'y a pas de problème avec ça, moi, il n'y a rien au monde hein, qui vaut une seconde avec ma petite métaphore. Je ne pourrais pas juger ça, pas du tout. Écoute, je ne suis pas un monstre, je suis capable d'aimer moi aussi. Ça va. Quant à son troisième vœu, il y a une rumeur qui circule concernant ce troisième vœu, selon laquelle il voudrait se transformer en licorne, hein? Mm-hmm. Pour rendre les gens plus gays. Ce qui expliquerait peut-être le choix du parc. Et bon, malgré qu'en septembre, il commence à faire frette pour la corne, il y en a qui disent dans le milieu... Ça se jase. Il y en a qui disent qu'il pourrait juste se transformer à une date précise, à une telle inclinaison du soleil par rapport à son shaft. On le sait pas. Ce ne sont que des rumeurs. Hein. Comme la terre creuse, les vampires et l'envie de pisser en faisant du jogging. Légendre d'automne. Là. D'ailleurs. De rien, Tommy. De rien. Non mais c'est comme ça. Écoute, j'ai barré quelques lignes parce que tantôt, j'ai lu le journal. Ils les inventent toutes à ma place. Très difficile de faire de l'humour au Québec. Hein. Il n'y en a pas assez. D'ailleurs, au sujet de mon souvenir d'enfant forme, il y a passablement des torchons qui ont été écrits. Et je voudrais citer Richard Martineau, Paladin 17. Ça, tu manges ça pour déjeuner. Il t'enlève pas 2 points de vie, écoute. Tu peux en tuer 40. Ouais. Tu récoltes leurs pantalons. Tu vas mener ça au gars qui achète les pantalons dans le jeu. C'est comme ça. Dans la foulée, une fois, il a tellement chié vite, hein. Il a appelé sa patente « Question concernant Joël Legendre ». Je sais pas si vous l'avez lu. Écoute, il a numéroté ses questions et son opinion. 1 question, 2 opinions, 3 opinions, 4 opinions, 5 à 8 opinions et plus questions. Vraiment, tu me prends pour un con, Richard. Va chier. Bon, ceci étant dit, moi, ce qui me rassure dans cette histoire-là, parce qu'il y a quelque chose quand même qui me rassure, Tommy, je tiens à le dire, c'est que Joël, il est pas parfait, OK? On l'a appris, tout le monde. Il est comme nous autres. Il est comme tout le monde. Il se crosse, il ment, puis il regrette après. C'est vrai. Et ça me fait dire, tout va bien. Hein? Tout va bien, l'humanité s'éteint à son rythme, une courbe descendante qui fera dire aux archéologues futurs, « No shit! Comment ils ont fait pour être aussi cave? » Donc, c'est vrai. Voici ma pierre à l'édifice, hein, qui s'écroule tranquillement. Hashtag je suis Joël. Je suis Joël, ouais. Ouais. Non, mais je l'ai dit tantôt, je me suis déjà crossé dans le parc. Voilà. Non, mais moi, j'ai pas fait l'erreur de devenir une super vedette du showbiz québécois, là, tu sais. Voilà, moi, je garde mes petites affaires pour moi. Petit conseil, en terminant. Si tu écris un statut hashtag sur ton Twitter, hein, fais attention de bien écrire. Je suis Joël peut facilement devenir je sus Joël. Et ça, ce serait humiliant pour tout le monde, hein, de savoir à quel point tu es prêt d'arriver rapidement à tes fins. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Ouh. Mathieu Boudreau qui est... J'ai vomi, Tommy. Et il nous a gardé en zone sensible encore une fois. Tu me parlais tantôt de jeunesse, de relève. On parle de ça un petit peu, là. Une anecdote, toi, d'un gros party que t'as fait. Ben, c'est parce que j'ai un garçon de 25 ans. Oui. Puis, tu sais, à cet âge-là, ça boit, puis ça fume, puis... Puis moi, j'ai comme une tradition chez nous de une fois par année, ben, c'est parce que je suis comme un vieux. Puis je suis comme... T'es un déguisement de vieux, genre. Je suis comme un vieux. En fait, c'est triste ma vie parce que j'ai 32 ans, mais j'ai un corps de 58, ce qui est vraiment frustrant. Je suis comme un genre de Brad Pitt à l'envers dans son film que ouais, je sais pas ouais, trop, ouais, je comprends. Puis j'ai un gars de 25, puis souvent, on faisait des gros parties chez nous. Puis une fois par année, j'écoute Woodstock. Puis je fais... À chaque année, une fois par année, autour du 19 juillet, j'écoute Woodstock, puis je fume beaucoup de drogue, puis je bois beaucoup d'alcool. Puis fait que là, le band de mon garçon était chez nous, puis on a fait ça en écoutant Woodstock. Puis à 5 heures du matin, je suis couché dehors sur ma galerie. Comme pis, on fait. Là, écoute, tu sais, les jeunes, tu peux avoir bien des problèmes avec des enfants des fois. Hein. Fait que là, il est 5 heures du matin, puis... Il y a comme une main qui me caresse dans le dos, ce qui est déjà surprenant parce que je suis célibataire. Fait que... Est-ce que ma véranda est hantée, genre? Il y a une main qui me frotte le dos, puis là, j'ouvre les yeux un peu, puis il y a comme quelqu'un qui a été vraiment malade... Très près. Au bout de la galerie, okay. Parce qu'on avait mangé du spaghetti, bu du vin. Fait que c'était vraiment dégueulasse. Puis là, je me tourne, c'est mon garçon qui passe la main à l'italienne. Mon garçon me passe la main dans le dos, puis je dis, qu'est-ce que tu fais là, Patrick? T'sais, il est 5 heures du matin, on est dehors, c'est la galerie. Il dit, papa, j'étais sûr que t'allais mourir cette nuit. Non, c'est parce que j'avais tellement bu, puis tellement fumé de rideaux de cuisine. Écoute. Le fameux. Non, mais c'est ridicule, tu sais. C'est toi qui avais comme... C'est moi qui avais perdu la tête en écoutant Woodstock. Je me suis jamais rendu jusqu'au solo de guitare de Jimi Hendrix. C'est juste que pour te dire que c'est vraiment pas facile d'avoir des enfants de 25. Ben, je comprends. Ouais, t'essaies d'y suivre, mais ils sont déjà rendus. C'est, ouais. C'est vraiment, vraiment difficile. Merci bien gros, Richard. Je me suis fait engueuler par Richard Martineau au Théâtre Saint-Denis. Ouais, non, qui ici peut se vanter de s'être déjà fait engueuler personnellement par Richard Martineau? Il était avec Sophie Durocher, puis je me suis vraiment fait... Écoute, on allait voir un show et le hasard... Tu sais, il y a des hasards malchanceux dans la vie. Je suis assis juste en arrière de Richard Martineau. Fait que là, c'était pendant la grève étudiante. Mon garçon est étudiant en cinéma. Il a fini son bac en cinéma. Puis avant la grève, il a fait 3 films. Puis pendant la grève, il en a fait 60. Fait que là, je dis, est-ce qu'il reste en grève le plus longtemps possible? Le gars, il fait un bac en cinéma, il tourne 3 films. Puis pendant la grève étudiante, il a fondé une boîte qui s'appelait La Boîte Rouge. Ils ont fait 60 films, 60 capsules. Fait que moi, j'étais super fier de mon fils. Oui. Et là, c'est disponible sur YouTube? Il y a encore beaucoup de ces capsules-là qui sont sur YouTube. Okay, ça s'appelle sous le nom La Boîte Rouge. Surtout quand c'est tout réglé, les problèmes qu'ils nous ont fait sortir. Ben, oui, c'est fini. Fait que, il tournait, puis moi je disais, ben, tu sais, j'ai même fait des marches avec lui pour que la grève continue parce que je trouvais que mon gars, il apprenait beaucoup plus vite en grève. Fait que là, je disais, que la grève continue. Mon gars, il tourne des films. Fait que là, je suis tout fier de ça. Puis là, je vais voir le show Saint-Denis. Je suis assis en arrière de Richard Martineau. Que, à cette époque-là, je pensais qu'il était encore... Tu t'aimais pas voir grand-chose, il avait comme sa tête, là. Puis il était avec ça. C'est très bonne, celle-là. Je te l'achète 30$, puis j'ai fait de ma radio. Je la donne, Richard. Puis, fait que là, moi, je suis tout fier, mais j'ai comme oublié que Richard Martineau, je pensais qu'il était encore vaguement progressiste. Fait que là, je tape sur l'épaule, je dis, hey, Richard, c'est cool, la grève étudiante. Mon gars, là, j'ai mon gars qui est en cinéma, il a fait 3 films avant la grève, il en a fait 60 depuis la grève, tu sais. Là, il se retourne en disant, c'est quoi ton calice de problème? Ben, ton hostie problème! Puis là, il se met, avant le show, il se met à m'engueuler au Théâtre Saint-Denis. Ah, t'es devenu comme l'épouvantail, t'étais l'homme de part. C'est le seul ami Facebook que j'ai flushé dans ma vie. Le seul. Merci. Ovation debout! Ovation debout! C'est la... Je suis Richard, un nouvel hashtag! Mesdames et messieurs, on accueille la seule personne ici qui a eu une ovation debout, Richard Z. Tiroir! Merci beaucoup! Merci! Merci! C'est la plus belle ovation debout de ma carrière après... celle d'un show au Centre sportif de l'Université de Montréal pendant un carnaval étudiant où il y avait 5000 étudiants en état d'ébriété. Non, ça, y en a-tu d'autres sortes? C'est... Il y en a pas d'autres. Non, mais c'était hallucinant, ce show-là, parce que on commençait un petit peu à être connus. On était tellement imbéciles dans notre premier show qu'il y avait une chanson qui s'appelait « Arrête de boire » qui tournait à la radio. Et on l'avait pas dans le show. On l'avait pas mis dans le show parce qu'on comprenait pas, ça allait trop vite. Puis là, on est engagé au Centre sportif de l'Université de Montréal pendant le carnaval étudiant. On est dans des loges qui sont vraiment très loin, dans un labyrinthe. Et on était en première partie de Paul Piché. Fait que là... Non, non, non! Pas de blague! J'aimais beaucoup Paul Piché. Fait que, on rit pas de Paul Piché, on OK? Là? Pas de Paul, on peut jamais. Rire de Richard Martineau, mais pas de Paul Piché. Puis, mais son 10 remix disco, il est pourri, par exemple, à Paul. Mais celui de Richard Martineau est malade, par exemple. Alors là, il y a comme... Le monde, on entend hurler, on entend comme... Avant le show, on entend... On se dit, bon, ils sont sous. Mais... Il était juste heureux. Le délire s'amplifiait au carnaval, mais ce qu'on n'avait pas compris, c'est que c'était pour nous autres. Ça fait vraiment prétentieux de raconter ça, là. Non, je pense que c'est... Non, on comprend. Fait que là, il y a quelqu'un qui cogne à la porte de la loge en disant c'est votre tour, et pendant comme 3 secondes, j'ai compris que c'était quoi d'être dans Rolling Stone ou dans YouTube ou... Ouais, ouais, c'est bon, ça. Quand culottes, on s'est mis à chanter la première chanson, j'ai compris qu'on était ni un ni l'autre. Mais ça, c'est vraiment un des plus beaux moments de ma vie, le plus beau de ma carrière, et ce soir, c'est le deuxième. Oh! Ça... un deuxième standing ovation! Pour du lichage, cette fois-là. Fait que, tu sais, c'est pas aller n'importe où, hein. On va sûrement te laisser revenir dans le futur. Merci. Ben oui. C'est, d'ailleurs, si tu me permets, il nous reste 2 chroniqueurs, on va finir ça. Oui, ben, il faudrait bien. Si j'aime ça que tu parce que j'ai laissé mes enfants au McDo sur le... parce qu'il y a 25 ans. Avec... J'habite à Saint-Jérôme, tu sais, quand t'es pas chanceux dans la vie. Puis, Non, mais quand j'écoutais les Bougons, à chaque fois qu'il y avait une joke de meurtre, c'était toujours à Saint-Jérôme. Et, à un moment donné, les Bougons, ils assomment quelqu'un un coup de pelle. À quelle place qu'il l'enterre? Fait que là, en m'en venant, il y a... Ben, j'ai laissé mes 2 enfants au McDo, mais il y a des bulbes, il y a des... Il y a des Nintendo, bien sûr, ils sont capables de jouer. C'est ça, fait que... Puis un trio Big Mac, ça fait la job. Ça fait... Tu gagnes 15 minutes. Allez, là-dessus, check bien le prochain, tu vas l'aimer. OK. Salam alaikum Québec. Shalom. Ok, on recommence. Al salam alaikum Québec. Shalom. Merci. Toi, tu peux arrêter de parler. j'ai plus le droit de dire shalom. Non, t'as plus le droit de dire shalom. T'as plus le droit de parler même. Ah, j'ai cru. De... Salut Mustapha. Salut Tommy. Comment ça va? Richard. Richard. Ouais. Salut. Salut. Enchanté. Je peux pas dire que j'étais connu quand j'étais jeune. J'ai découvert RBO vraiment, vraiment en retard. La première fois que j'avais entendu parler RBO, c'était comme, pourquoi est-ce que le monde capote sur le chien bleu? J'ai pas pigé. Non, ils reviennent. Hein? OK, revenez-en, c'est correct. Par suite, j'étais avec une Québécoise, ça m'a fait découvrir ça par le biais des DVD. Fait que je voulais comme me remettre à jour sur RBO, mais elle les a pris avec le divorce. En plus, je pense que quelqu'un t'a invité à ma caverne la semaine passée parce que j'ai dormi toute la semaine. Je pense que j'ai dormi, j'ai pas vu le temps passer. Je me suis réveillé il y a comme 2 heures. J'ai fait « Shit, il faut que je me dépêche, c'est quoi les nouvelles, qu'est-ce qui se passe? » Puis j'apprends qu'Aladin s'est montré la graine à Jafar. Je comprenais rien de ce qui se passait. Ouais, on retourne là-dessus. Hein, c'est... Y a pas grand sujet à cette semaine! Fait que je savais pas quoi dire. Je pensais parler de ma graine, parce que la semaine passée, on a parlé des pénis de blanc. Donc là, je pense qu'on a fait la saturation des pénis. On a fait le tour des pénis, on a fait le tour de Joël Lejeune. Y a plus rien! Y a plus rien! Tous les sujets sont morts! C'est mort, là! Je veux même pas y demander, c'est quoi la. Pourquoi est-ce que c'est Z? Parce que. Il en a parlé tantôt, je peux même pas y faire. Est-ce que. Est-ce que c'est parce que c'est une façon de gauger les égos des membres de RBO? Guilla Lepage! Oh. Je sais pas! Fuck non, ça, c'est... Non, je l'aime beaucoup, chose je l'adore. Ça, il a l'air fin, mais... Ce qui me fait penser que c'est pas pire parce qu'en vieillissant, tu ressembles à un jeune Guy qui ressemble à une de mes vieilles tantes. C'est weird! J'ai pas eu le temps vraiment de préparer quoi que ce soit, puis à chaque fois que j'entendais le monde parler, Joël, là, j'en teste. Mais non, parce que là, la castration est passée, les couilles en sont plus, passées, Joël est passé, il reste plus rien. Moi, je comprends même pas pourquoi le monde, on parle de la castration des lames à côté du agrène. Moi, je suis habitué. Circoncis! Toto vient de prendre son congé. Oh, Toto a pris son congé. Salut. C'est une joke des sables. Y a-tu quelqu'un d'autre qui veut partir? C'est le temps, là. Non, mais ça a quand même c'est des bienfaits à la circoncision. Tout le temps, de surtout pendant ta chronique. Surtout pendant ma chronique, c'est la meilleure. Mais c'est cool que t'étais pro-manif. C'est quoi? C'était cool que t'étais pro les manifs. Non, ben, oui, je le suis beaucoup. Est-ce que c'était aussi, est-ce que c'était aussi à cause de ton fils ou c'est autre chose? Là, comme t'avais non, ben, je sais pas, j'ai toujours été plus là qu'ailleurs. OK. Une belle réponse vide, ça. Hein? C'est très vague, ton affaire. Hein? Parce que moi, j'élève mes enfants pour qu'ils soient de gentils rebelles. OK. Fait que tu perpétues la tradition. Oui. Contrairement au petit bout de temps où tu as fait les mecs comiques. Excuse-moi. C'est très bon, ça, par exemple. Celle-là est vraiment très bonne. Ouais, depuis janvier, je sais pas ce qui est arrivé. Là, mais... C'est la messe. Ah, chose en commun. Ouais, là, puis il y en a aussi. Là. Ouais. Ça va rien plus. Mais prends pas de la mescaline, c'est vraiment pas bon. Ok, je te fais confiance là-dessus. Ça fait une semaine que je n'ai vraiment pas vu la lumière du jour. Là. C'est pour ça que je porte mes lunettes aujourd'hui. C'est fort, ces lumières-là, à soir. Pis en plus, Yann est dehors, fait qu'il peut même pas les baisser. Oh! Y a pas de violon assez petit pour interpréter l'hymne à ce que tu oui, y en a un, en fait. Son frère l'a découvert avec le... le bossard. Non, mais moi, c'était génial quand mon frère est passé à Tout le monde en parle parce que à partir du lendemain matin, j'étais devenu le frère de Yves Sirois. Et sérieux, tu sais, mon frère, 30 ans de sa vie consacré à une recherche, à un problème, ouais. Il s'est jamais fait connaître nulle part à part dans son labo, là. Fait que là, le lendemain, tout le monde en parle, tu sais, on peut en penser ce qu'on veut de cette émission-là, mais quand même, peut-être qu'il s'est fait dire, tu ressembles à un gars que je connais, là. Puis là, il a le disait, même nom de famille. Mon frère était quand même honoré d'une certaine façon qu'après 30 ans de sa vie, deux personnes à l'aéroport qui le reconnaissent, tu sais, c'est cool. C'est quand cool, il est parti vers Paris, j'étais content pour lui. Je souhaite ça à tout le monde. Mon organisation, on était ben déçus. On avait essayé de le pogner pour des expériences, puis on ne l'a jamais rattrapé. Là. C'est ça, on organisait. Mon organisation dans les cavernes. Ouais, le T-word. Pas je sais, c'est juste abusant. Tommy, non, tu le sais. On n'a pas le droit de dire T-word. Même pas. Au fait, pour que tu le saches, c'est le terroriste, t'as pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de dire ça. C'est leur mot. C'est notre mot, ça a été réapproprié. Okay. On a chacun nos termes. OK, je comprends. You know? Parce que son accent, il n'est pas très là, mais c'est libanais, ça, à la base. Ça. OK. Faut-tu que je revienne encore sur le thème non, de la race? Non, continue. Il y a plein de nouveaux mondes. Là. Ouais, plein de... Écoute, là, ils sont pas tous au courant de tout. Ça me tente même plus. Ça leur tente peut-être. Tout... Qu'est-ce que je fais? Tu l'as repoussé encore. Ah, en plus, tu sais, on parlait. Fait qu'on s'en va vers quoi? Pas grand chose, c'est le mois de mars. C'est le mois de mars. C'est le mois de mars, c'est bientôt ta fête. Oui. Il y a Richard Sette sur moi. Ben oui. J'ai rien à dire sur Joël Legendre. Mis à part le. Mis à part quoi? Mis à part ce que j'ai déjà mis sur Facebook. Okay. Là, c'est pas mal ça. Fait qu'il y a sur Facebook. Je fais ça court à soir parce que... Hey, j'ai inventé une joke tantôt, veux-tu que je la raconte? Vas-y, s'il te plaît. OK, c'est quoi qui fait Dumbo dans un coffre-fort? Tu l'as pas inventé. Il vole! Dumbo, il vole! Je sais c'est qui l'a sorti en premier. Ah là. Ouais, c'est plus nous. T'es la réappropriation, là, c'est attends. Assez, là. Ah ouais. Tu le voles en premier aux Arabes, ensuite tu le voles aux. Je fais un Walt Disney de moi. Hey, ouais, tu le voles même aux Québécois, pis ça se fait pas. Ça, là, les Arabes, OK. C'est pas mal ce que je dis. Bon, c'est pas mal tout, là. Est-ce que je peux m'asseoir ici? T'es-tu rendu au bout? Tu peux t'asseoir sur mes genoux? Ouais, je peux m'asseoir sur tes genoux. Ok, c'est bon. Fait que c'est la fin de ta chronique. C'est vraiment la fin de ma chronique, je veux rester assis sur Bruno. Fuck it. Moustapha, tout le monde. Allez. Je pense... Mesdames et messieurs, avant de continuer, j'aimerais vous aviser qu'on va avoir un petit délai pour la soirée de projection, la soirée visionnement douteux oh, gratuit. Parce qu'on a full de fun du stage. Ça lâche pas. On a un petit problème avec le projecteur, mais l'équipe du Brouhaha, qu'on voudrait remercier énormément, est en train de remédier à la situation. Donc, il y aura une soirée de projection avec votre VJ ce soir, Johnny Publicité. Bonne affaire. Bonne affaire. Sérieux, peut-être un petit aparté là-dessus avant de débouler vers la fin du show, mais c'est la première fois de ma vie, ça fait 10 ans à peu près qu'on fait des visionnements ici, et c'est la première fois qu'il y a un trouble à ce point-là, et ça a comme pas paru parce que nous autres on fait le show, puis que c'est ça, on vient d'avoir un update. Okay. Let's go, on arrive à la fin. Ah, fuck you, tout crèche chinois, que c'est? Fuck you! Salut, Asti! Comment allez-vous, gang de moutons? Pas chier! Salut, Eric. Hey, moi, je crisse mon camp d'ici, là. Non, non, va-t'en, pour. Non, non, ça vous ferait trop plaisir, gang d'Asti. Mangez toute la merde. Chris. Bon, là, on va se mettre des affaires au clair. Moi, je suis... Ouais, ça, c'est vrai, j'ai un asti gros chaf, le grain. Chris, man, tout est un homme, tout de suite quoi tu parles. Hey, on peut-tu arrêter de parler de quéquette? Non! Non! Jamais! Hey, c'est la première fois que j'entends dire ça. C'est vrai, c'est vrai. Bon, moi, en tout cas, ça va, c'est un Chris de temps de grain. Je rencontre une idole à soir, Chris. C'est soit à coche en crucifix. Hein? Merci. Moi, là, Chris, il n'y a pas grand monde que je trippe de même. Hosti, c'est comme quand j'étais cul puis je venais d'avoir mes premiers posters de Samantha Fox, hosti. Sauf que je ferais pas un Joël de moi-même, là. Je vais me retenir un petit peu, hein. Mais Richard Z, pour moi, c'est quelqu'un d'important, là. Puis je niaise pas, là. Est-ce la dernière fois qu'on entend parler de Joël ce soir? Non. Tommy. De moi, oui, parce que moi, les fifs. Sans commentaire. Bon, deux secondes. Là, j'ai apparemment le devoir de parler de la toune que tu devais mettre pour Jean-Sébastien. Ouais. Parce que là, cet style là, on s'est entendu, moi puis lui, mon remplaçant, là, Jean-Sébastien, j'ai dit, « Hey, Chris Legrand, ce serait cool que j'aille faire le show, voir mon idole. » Puis là, il me dit, « Ouais, mais il va falloir que tu fasses quelque chose pour moi. » Puis moi, du monde qui s'impose, là, j'aime pas ça en tabarnak. Mais tu venais pas juste de t'imposer juste avant? Ta gueule, c'est... Chris. C'est fair. Bon. Yeah! Là, bon point. Yes! On va mettre la toune de marre de Jean-Sébastien pour qu'il me calisse patience une fois pour toutes. Asti, Chris qui est fatiguant, lui. Sophie Stanquet. Désolé, Yannick. Asti, on sait que c'est ta chambre. Hey, tu piches pas Sophie Stanquet. Non, là. J'y ferai l'amour. C'est tout. Ok, j'ai un bon numéro de psychiatre si tu veux, hein. Bon, ben, la toune de marde, c'était on court, la merveilleuse Sophie Stanquet, hein. Toi, Richard, en tant que grand mélomane, tu te souviens-tu qu'elle avait une carrière musicale, Sophie Stanquet, la fille à Alain? Ben, je savais qu'elle avait déjà fait des chansons, mais mon cerveau les avait oubliées. Ben, c'est ça, hein. Je pense que même elle aussi, elle l'a oublié, Chris. Pas grand monde qui s'en souvienne. Là, soir, moi, là, je suis pas pris au début, Chris, assis avec ma chronique. J'ai vu la semaine passée que j'allais, que t'allais être ici, pis là, j'ai décidé que j'allais faire ma chronique hier. Je l'ai écrit hier. Fait que, j'ai dit à mon hostie de remplaçant qui mange la merde, hostie, puis que c'est moi qui allais venir, puis je suis bien content parce que l'hostie de godette, moi puis lui, on n'est pas capable d'être dans la même pièce en même temps, tu sais, hostie. C'est vrai que je vous ai jamais vu les deux en même temps dans la même pièce. T'es un gibier de potence, hostie, gibier de potence, allons donc. Gibier de potence, t'es vraiment dans le folklore. Mais Chris, gibier de potence. Ben, c'est ma blonde qui déteint sous moi, Nadia, pas si ça dit quoi. Ouais, ça serait-tu parente avec Vanessa? Non, en tout cas, je sors pas avec Manon Cadorette, puis là, je suis rendu avec une Nadia. Je la nommerai pas, là, mais on sait de qui qu'on parle, je pense, hein? Ben moi, je le sais. Il y a notre couple qui a compris. Cette fille-là est pas vite-vite, estie. C'est une crise de drôle de Gerda, par exemple. À gaule en tabarnak, puis elle niaise pas avec elle poc. Elle va à ligne bleue, puis d'un coin, estie. Puis par ligne bleue, estie, je parle de la veine de ma graine. Puis en dessous de mon urette, les deux coins, estie. Yes, estie de graisse, et de même, ça marche, c'est. Fait que là, moi, j'ai l'habitude de parler de cul aussi pis de filles, mais là, m'a fait un petit peu différent, m'a touché les enfants. Oh, wow, wow, gang de fuckés. Hey, qu'est-ce que vous êtes tout croche, vous autres? Non, non, je vais parler de TVGQ, la télévision des jeunes du Québec. Ouais! Parce que aujourd'hui, pour rester dans l'actualité, hein, Musique Plus est en gros trouble, apparemment, pis on sait pas si ça va continuer, mais il y a chose certaine, plus de production originale de Musique Plus. Fait que j'ai décidé qu'on allait parler des débuts de Musique Plus et pour faire honneur à notre invité, que c'est lui aussi qui a parti les vidéoclips au Québec, qui a commencé à nous montrer des vidéoclips, parce qu'Albi, c'est un grand mélomane. Puis moi, je me souviens, là, quand j'étais jeune, notre grand, dans Rock et Belles Oreilles, les premières années, si vous avez passé les vidéos de Jeanne Masse, la sœur à Julie, puis moi, j'étais shafté ben dur, la grâce est devenue mon sexe symbole. C'est grâce à vous autres, Esti, que j'ai eu ma première érection. Merci, Rock et Belles Oreilles. Ben oui, ça, c'était dans le temps que Rock et Belles Oreilles, c'était à TV française Ontario, je pense. Non, non, non, non, c'était à Télévision 4 saisons, puis Télévision 4 saisons, ben c'était le début des canaux vidéo. Ouais. Puis TQS croyait tellement pas en nous qu'ils pensaient que les vidéos seraient plus intéressantes que nous. Et, okay. Et ils ont tellement eu raison. Ah, non, non. On fera un sondage. Bravo, TQS! Ouais. De toute façon, ces temps-ci, ça va bien, TQS. Ah, ouais. Chris Mazal, grand. Ouais, c'était carré. Fait que moi, sinon, moi et Godette, on n'a pas grand-chose en commun, si, mais il y a une chose qu'on a en commun, c'est notre admiration pour Richard, OK? Puis moi, Richard, là, je t'ai trouvé hot en tabarnak, la grecque, quand tu faisais ta grosse madame qui a des pets, là. Est-ce que t'étais hot, la grecque, dans ce catch-là, là, les madames qui avaient des flatulences puis des ballonnements, là? Je pense que c'était pas moi. T'as oublié tout ça, si tu oublies ça, Chris Lagrange. Tu me niaises, si. C'était un gars-là, là, c'était un bouton en train, si, il est malade, si. Allons donc. Il essaie de me faire passer pour un cave, moi, Eric Carmen, si. Hey. Mais en tout cas, moi, Richard, là, j'ai toujours été comme un admirateur de toi parce qu'on est crissement pareil, moi, pis toi, le grand, si. On est poli, on est éloquent, on est doux, si, comme ça se peut pas, si, pis on est rassembleur. Oui. Chris, qu'on est rassembleur, le grand. Puis, en plus, lui, il est pas fif, si, le grand, là. Lui, là, comme moi, je parlerai pas de certaines personnes, c'est dans l'équipe, là, je regarde personne, là, c'est des nobody, mais oui. Moi, si, je trouve que t'es un homme très important parce que tu m'as montré la voie, parce que c'est lui, si, qui est parti avec la fille de la gang, hein. Tu sais, t'es un peu Martine Franck de Sans Limite. T'es dans bonne famille. T'es encore mêlé, grâce, si t'es rendu trop vieux, Chris. Deux gars. Familles aussi impliquées. En tout cas, on va parler de TVGQ. TVGQ, c'était l'ancien Canal Famille, avant que ça soit Canal Famille. Avant que ça soit VRAC TV. Avant que ça devienne VRAC TV. Puis dans ce poste-là, ben, dans le temps, il y avait des cartoons hein, pour les enfants. Hey, c'est un clown! Un clown! Un clown! Deux clowns, c'est-tu de grand? Calisse que j'aime ces clowns, moi. Clown, c'est comme une noun. Pis un clown. C'est dit clown. Un clown. Un clown. Bon. Fait que là. Ah, ça me fait plaisir, la graine. Hey, ça oui, c'est un vrai home run pour Toto, là. Fait que à TVGQ, les jeunes, il y avait des comics pour les enfants. Puis le soir, ils mettaient des jeux vidéo qu'on pouvait jouer avec un téléphone touchtone qui était de la grosse technologie à l'époque, là. Hey, t'avais un téléphone avec des pitons, t'étais quelqu'un, là. Puis. Une fois par semaine, ils nous passaient des vidéoclips, pis c'était les débuts de Musique Plus. Puis à l'époque, il y avait RBO, avant même Musique Plus, si je me souviens bien, parce que moi, j'étais un vieux de la vieille, hein, Chris. Il y avait Samantha Fox. Non, Samantha Taylor sur CBC à Video Hits. Il y avait Rock Denis à Pop Express, asti. Ça, c'était un Chris de bon show, le grand. Oh, yeah. Puis il y avait aussi Vidéo Musique sur la télé communautaire, oui, si je me souviens bien. T'as raison. Ouais. T'as juste oublié Lautrec 80 Lautrec 83! Ben oui, si, hein, Donald Lautrec! ça c'est un homme, c'est. Puis tout ça pour dire que Musique Plus a commencé là, puis il y avait du contenu original. Donald Lautrec, c'est un homme, c'est lui aussi, c'était le champion de la moustache. Hein? Oui, oui, oui. Il y en avait une crise de belle, lui. Ah, pour ceux qui s'en souviennent, les férus d'histoire, là. Ouais, Donald, c'était un chanteur. Après ça, c'était Monsieur la Roue Chanceuse. Puis après ça, je m'en souviens plus. À TQS encore, hein, la Roue Chanceuse. Oui. Oui. Ma mémoire me fait pas de misère. En tout cas, fait que TVGQ pour les jeunes qui ont pas connu ça, c'était hot en tabarnak, le grand. Nous autres, on trippait à l'os. Toi, Tommy, tu te souviens de ça, TVGQ? Ben, moi, je me rappelle surtout de la version. Il y avait une version manga là, en animé de L'île au trésor. Ouais, ouais. Et ça m'a pas mal fasciné. Je me rappelle de ça. Il y avait des bons programmes. Cette émission, c'était pas il y avait des mauvais. Mais... Ouais, tu sais, c'est. Il y avait la France. On parle de TV. Fait que. On va finir avec mon idole qui est ici. Quand tu faisais Ginette Robidoux le grand, est-ce que t'étais hot? Chris, man, ça c'est un de mes personnages préférés, tu sais. Ta moustache, t'avais encore ta moustache dans ce champ-là. T'es dans bonne émission de TV. La petite voix, là, bien aiguë, comme le Hi, hi, Larry! I was with you! Right. Ouais, t'étais hâte à un Ginette Robidoux aussi. Fais-moi ça. Mais c'était pas Ginette Robidoux, mais t'es dans le bon show. En tout cas, ben, c'est pas lui. En tout cas, moi, je me souviens d'un personnage qui m'a marqué en Chris, c'est Denis Boulotte des Frères Bolduc. Tu sais, les frères Bolduc, là, puis l'autre qui s'appelait Denis Boulotte. Oui, là, t'es dans là, tu l'as bien, là. Ouais, ouais, puis quand tu faisais... Ça y a pris plus de temps sans rappeler, étrangement, par exemple. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça que je disais. Tu oublies tout, là, t'es grand, t'es trop vieux, ici, pour être site. Puis il y avait l'aveugle du Playboy qui faisait le braille aussi, là. Oui, ça, c'était moi, ça. C'était toi, moi. Man, là, t'aurais dû avoir une carrière de mime parce que t'étais expressif puis tu disais pas grand-chose, la grande. Mais t'étais un hostie de sournois. Richard Zadirois, le sournois. Il nous fait rire, hostie, puis on s'en attend non, même mais pas. Cette annonce-là, j'avais... Parce que moi, quand je me masturbe d'un parc, je suis très expressif. Ouais. Fait que c'est un honneur de t'avoir avec moi. Ben, je suis sûr que c'est un grand honneur de me rencontrer aussi, le grand. Très gentil, merci. Salut la gang de malades. Hey. Si vous êtes gentil, m'a peut-être à revenir bientôt, là, mais au début, vous m'avez déplu en tabarnak. Eh hey boy, c'est-tu la pause avec les clowns? Venez faire un tour que tout le monde soit mal à l'aise, là. Ah, c'est-tu que j'aime ça quand vous êtes là? Ouais. Fait que, on arrive vraiment à la fin du show, c'est le petit dernier. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Parler, il y a des explosions, des hélicoptères, là, c'est vraiment la merde. Bon. Alors, on continue en nouvelle. Joël Legendre a été pris dans un parc. Peu, là. Non! C'est pas vrai! Non! Est-ce parce que. Non, non, c'est bon, je vais pas y aller. Non, mais j'ai vraiment envie de t'interrompre, là. Ah, ben je sais. J'ai vraiment envie de t'interrompre. Mais moi, c'est parce que je suis préparé, c'est ça la différence. Ça a juste à peu près 7 ans d'expérience, puis elle a tantôt d'expérience. Ça, c'est vraiment, là... Allez, drop alors, le micro. Attaque-moi écoute, pas. Bruno. T'as raison. Oui, tout le temps. Un vol de British Airways... Comme d'habitude, hein, que non, et comme d'habitude, tu coucheras pas avec. Comme d'habitude, à date. Où vais-je? T'as tellement raison. Je pense que j'ai des bonnes chances, je pense. Moi aussi, je pense, sinon elle aurait pas eu besoin d'avoir les derniers mots. Ouais, effectivement. Un vol de British Airways en provenance de Heathrow vers Dubaï a dû faire demi-tour après une demi-heure de vol suite à une décision du pilote. En effet, il semblerait qu'un passager soit allé se soulager dans les toilettes, causant une odeur si intolérable que le pilote ait décidé de retourner à bon port. Bon port. Le pilote aurait appelé l'équipe pour discuter de l'odeur avant d'informer les passagers qu'un problème non relié à l'équipement les forçait à faire demi-tour. Les passagers ont dû attendre 15 heures pour avoir un nouvel avion qui, on le présume, ne sentait pas le caca. Hey, faut que ça pue en crise. Puis c'est vrai, là. Il est vraiment délicat, le chauffeur. Ben, moi, je suis pilote, je fais ce que je veux. Ah, come on. Exactement. Et on continue avec une petite dernière, toujours dans un bloc caca. Morris Franklin de Wilds Bar en Pennsylvanie s'est fait interroger par des policiers alors qu'il marchait autour d'une crotte de chien sur le trottoir. L'homme de 45 ans titubait et parlait de façon incompréhensible. Il a alors été avisé qu'il était en état d'arrestation, ce sur quoi il s'est jeté sur la défécation canine pour s'y couvrir le corps. Il se serait alors... J'ai de la misère avec ce bout-là. Il se serait alors relevé affirmant que les policiers ne pouvaient l'arrêter parce qu'il était, je cite, couvert de marde. Full of shit. Contrairement à ce qu'il croyait, et malheureusement pour lui, aucun article de loi n'empêche l'arrestation d'une personne couverte d'excréments. Dieu merci! L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. C'est souvent la... Ouais, merci. Ah, c'est la fin là-dessus? Oui. Ah, sapristi, on l'a fait. Ça a bien été, Richard? Très bien. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir de te parler. Moi je peut-être que non, attendez, c'est pas tout de suite là. moi je pense que tu sais il y a des grands de la vie qui sont comme souvent là dans des moments, tu sais, puis me semble au Québec, t'es comme le gars qui a été le plus là. Ouais. Non, jamais. Hey, c'est nous autres qui décident, puis c'est nous autres qui parlent. C'est notre show. Et puis je veux dire t'étais là au début d'RBO, puis là t'es comme parti pour aller faire une autre affaire, puis là t'es parti pour aller faire une autre affaire. On dirait que t'étais pas là pour le fame, t'étais là pour le trip de commencer quelque chose, puis j'ai l'impression que c'est une sagesse que t'as aimé passer à d'autres. J'ai l'impression que bonhomie, humilité, c'est des mots qui te vont bien et ce ne sont que des qualités. Et j'espère vraiment qu'on va te revoir à 66%. Tu t'es écrit tout ça ou tu l'improvises ou quoi? Tu commences non, mais moi, je suis loquace. Moi, je l'ai, moi, okay, ça. Ben, avec c'est... Fait que, là-dessus, je te serre la main. Merci. On l'applaudit en Christ. Merci. Mesdames et messieurs, on applaudit chaleureusement Richard Zetirois. Ah oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Le seul invité à avoir eu 3 stand-up ovations pendant l'émission. Là-dessus, le show est loin d'être terminé. On va tasser l'écran. On invite notre invité d'honneur à rester parce qu'on a un petit spécial de ses meilleurs moments de TV. Non, je m'en vais! En fait, c'est les meilleurs et les pires moments, les bons et les moins bons. Les meilleurs pires, les pires meilleurs... je m'approche du VJ de la soirée qui va être le héros. Donc, on va prendre une petite pause d'une dizaine de minutes avant de se lancer là-dedans. Donner une chance. Oui, je parle avec notre ami Jonathan Simon. Salut, Jonathan. Salut, Tommy. Comment ça se passe de ton bord? Ben, ça va bien. Écoute, ça, comme tu disais tantôt, on va avoir des vidéos hommage à Richard Zetirois ce soir au visionnement douteux. Sinon, tout de suite après la séquence de vidéos hommage, on va avoir le bingo douteux. Oui, ça, j'ai très hâte d'essayer ça. Donc, de la manière que ça va fonctionner, c'est que j'ai préparé 3 sets de 75 pubs. 75, c'est comme le nombre de chiffres qu'il y a au bingo. Ouais. Et vous allez devoir placer ça et faire des lignes et des lignes diagonales. Pareil. Puis il y a Eric Saint-Cyr qui est avec moi et les deux, on a un chandail Steinberg. Yes, Steinberg. Donc, Juif représente, c'est-tu. Ouais. Fait que, ben oui, voilà, on va avoir un bingo tantôt. C'est le premier de l'histoire de Douteux. C'est un projet qui flottait depuis longtemps. Tu l'as réalisé, j'ai bien hâte de voir ça. Les genres de pubs un petit peu auxquels on peut s'attendre, les genres de clips pour la carte de bingo. Beaucoup de nostalgie, beaucoup de pubs québécoises, mais aussi on a du japonais, on a des pubs françaises. J'ai choisi aussi des pubs qui sont très, très... ouais, je m'en allais dire poche, là, mais des qui pubs restent qui sont... dans la tête, genre. Qui restent dans la tête avec des jingles et des trucs spéciaux qui se passent. Particulièrement les pubs françaises, je dirais. Et voilà. Puis sinon, ben, si je peux parler des prix, on va avoir des prix qui nous viennent du brouhaha. On a des prix tirés de l'encas douteux et bien sûr, de la bière. Fait que là-dessus, je vais demander à notre VJ de nous choisir quelques clips... En fait, on va écouter en quelques... En fait, ce qui arrive présentement, c'est qu'on est en train de finaliser l'installation du projecteur. On va mettre quelque chose... Hey, sérieux, Tommy, j'ai travaillé pour Bell. J'ai travaillé pour Vidéotron. J'ai travaillé pour McDo, AEW, Ultramar. Je travaille pour Mont-Saint-Sauveur. Et j'ai jamais eu un service comme Marc nous offre ce soir. Ah ouais, Marc est bien. On call. Hey, ça marche pas. Ok, je m'en viens. C'est la soirée douteuse. Merci beaucoup au brouhaha de cette... Comment se débiner pour sa clientèle? Ah, officiel. Ben, là-dessus, moi, je t'invite à aller mettre l'album à vendre des bleus poudres. On va avoir de l'audio en attendant que ça J'ai commence. J'ai-tu l'album dans l'ordi? C'est sur YouTube. Non, c'est pas sur YouTube, mais je vais mettre une toune en attendant, puis on va aller le chercher. Oh, oui. Merci, allez pas trop loin! Go fuck yourself!